Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. Oui, c'est Rémi, vous voyez. J'ai écouté toute l'émission sur South Park, vous voyez. J'étais très content, parce que, effectivement, je l'ai découvert au tout début, vous voyez. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, vous voyez. Et j'espère que cet été, on aura encore un programme d'enfer. Merci, monsieur Sigrist. Oh mon Dieu! Ils ont tué Kelly! Espèce d'enfoiré! Salut, le sujet du jour. Je viens de finir l'émission sur South Park et je me sens obligé de vous signaler deux oublis majeurs. Vous avez parlé de Team America, autre film des réalisateurs de South Park, mais vous avez oublié son incroyable petit frère, Captain Orgasmo. Et aussi, vous avez oublié de citer dans les dessins animés francophones, aussi drôles et trash que South Park, les incroyables Cassos, qu'on peut regarder sur YouTube. Ou alors sur Canal+, si vous préférez la version non censurée. Voilà, bonne continuation à tous et bon visionnage si vous étiez passé à côté. Salut. L'émission South Park qui était géniale. Vous avez parlé de Gumball. Je suis choqué. Je ne pensais pas que des gens connaissaient cette série. C'est juste une tuerie. Salut toute l'équipe, c'est Patrice. Fred, je voulais te remercier pour ta chronique sur Georges Pérez et Neil Adams. Ça fait plaisir sur France Inter d'entendre parler de ces deux bons hommes-là qui ont quand même marqué l'histoire du comics américain. Pléonasme. Et voilà, on se sent un peu moins seul parce qu'on est un petit peu perdu dans un monde qui ne connaît pas tous ces auteurs de grands talents. Merci beaucoup. Salut Blockbuster, salut Frédéric. J'ai cru lire que le prochain Blockbuster était sur Mad Max. Mais si c'est sur Mad Max, il n'y a qu'une seule chose à dire. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu démarrer, accélérer, embrayer, patiner, rouler, freiner, s'énerver, accélérer, défoncer, exploser, décapiter, s'arrêter, pisser, se faire cogner, s'assécher, se passer. Des bisous. Not to be. Le futur, c'est vraiment un truc du passé. On est d'accord que les voitures volantes dans l'avenir, c'est un délire qui va concerner que deux personnes, Jeff Bezos et Elon Musk. Nous autres, on va continuer de faire le plein avec de l'essence de plus en plus chère, histoire d'avoir le privilège de se prendre des amendes parce que notre voiture pollue trop. De la même manière, c'est pas demain la veille qu'on va aller faire du tourisme sur Mars. Il y a des villages de France sans médecins ni hôpitaux, des banlieues sans poste ni bibliothèque, ça serait tout de même gonflé qu'ils arrivent à installer des Airbnb sur la planète rouge. Bref, tout ce qu'on imaginait du futur est de l'histoire ancienne. Même George Orwell, qu'on cite si souvent, imaginait qu'un pouvoir autoritaire contrôlerait tous nos faits et gestes de manière coercitive. Il était loin d'imaginer qu'on confierait nos données les plus sensibles avec joie et allégresse à des grands groupes privés dans l'espoir d'avoir un Big Mac livré à domicile ou des vidéos de chatons coincés entre des théories conspirationnistes. Même une invasion d'extraterrestres à l'ère de l'information continue, ça nous occuperait un mois et puis on serait blasé. Comme par hasard, les extraterrestres débarquent en pleine réforme des retraites. Je dis ça, je dis rien. Je pense que la science-fiction nous a surestimés. Il est fou de se dire que ces grands auteurs qui étaient souvent pessimistes quant à l'avenir du monde étaient encore trop optimistes en ce qui nous concerne nous. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. My name is Max. Je m'appelle Max. Our world is fire. Mon monde est à feu et à sang. It's the oil, stupid. Oil wars. We are killing for gasoline. The world is actually running out of water. Now there's the water wars. Once, il y a longtemps, I was a cop. J'étais flic, un guerrier de la route en quête de justice. Mankind has gone rogue, terrorizing itself. The earth is sour. Our bones are poisoned. We have become half-life. As the world fell, le monde s'est effondré. Each of us in our own way. Chacun de nous à sa manière a été brisé. It was hard to know who C'était difficile was more crazy. De savoir qui était le plus fou. Me. Moi. Or everyone else. Ou tous les autres. Hello. you? Where are you, Max? Here they come again. Les revoilà. Worming their way in. Qui se vrille un passage dans la matière noire de mon cerveau. I tell myself, je me le répète, they cannot touch me. Ils ne peuvent pas m'atteindre. They are long dead. Il y a longtemps qu'ils sont morts. En 1979, un réalisateur australien nommé George Miller et son comparse Byron Kennedy sortent un petit film à la hargne inversement proportionnelle à son petit budget, Mad Max. Un road movie futuriste, âpre et brutal, ayant pour toile de fond un futur où l'essence est devenue une denrée rare. Porté par un jeune acteur du nom de Mel Gibson, Mad Max allait sans le savoir influencer tout un pan de la science-fiction d'anticipation. Du manga Ken le Survivant, au jeu vidéo Borderlands ou Mortal Kombat, difficile de ne pas voir ce que la pop culture doit à Mad Max. Pour revenir sur cette saga, j'ai avec moi Melvin Z, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la saga Mad Max et auteur du livre Mad Max Ultra-Violence dans le cinéma partie 1, premier livre d'une trilogie à venir sur la saga Mad Max chez les éditions Rififi, et vous êtes réalisateur du documentaire Archaeologist of Westland, Blu-ray à venir chez Ecstasy of Film. Tout à fait. Avec nous également Alexandre Matisse, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie du comité de rédaction du magazine cinéphile Revue et Corrigé. Vous avez publié deux essais chez Playlist Society, Terrence Malick et l'Amérique, et Un monde parfait selon Ghibli. Et vous êtes un des auteurs de Mad Max au-delà de la radicalité, sorti également chez Playlist Society en début d'année. Exactement. Avec nous, autre auteur, Élise Lépine, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culturelle au Point et vous êtes chroniqueuse dans l'émission Mauvais Genre sur France Culture. Et vous êtes aussi l'une des autrices de Mad Max au-delà de la radicalité. Voilà. Et évidemment, il ne pouvait pas être absent sur cette émission parce que ça fait vroom vroom, il y a des punks, il y a de la violence, c'est décomplexé. Dedo, bonjour. C'est très caricatural tout ce qui se passe. Oui, mais quand même, c'est quand même bien résumé. Oui, oui, un petit peu. On rappelle que vous êtes humoriste et comédien et vous êtes actuellement sur scène partout en France avec un spectacle intitulé Biafine parce qu'il apaise les démangeaisons du quotidien et aussi parce qu'il passe crème. Je conseille énormément ce spectacle. Ensemble, on va retracer l'historique de Mad Max. Qu'est-ce qui a fait entrer cette saga dans la légende? Ses thèmes, sa réalisation, ses polémiques également. Qui est George Miller, ce réalisateur qui, à 77 ans, continue d'impressionner ses pairs, comme l'a prouvé l'ovation de son dernier film 3000 ans à attendre au Festival de Cannes 2022? Et comment ces films sont finalement l'évolution et la prise de conscience d'un homme sur plusieurs décennies? What a beautiful day pour parler de Mad Max. Hey, ici. Ici. Qu'est-ce que c'est? Je m'en vais. Encore? Non, non, pas encore. Je me tire. Je démissionne. Assieds-toi. Non, écoute, je suis pas venu en discuter avec toi. Je suis venu te le dire. Je me tire. Attends un peu. All right. Je te comprends, Max. Le gorille est passé, je sais, mais il avait dit qu'il finirait comme ça. Ah, dis pas ça, ça m'énerve. Max. Tu étais le premier à reconnaître que j'ai... Arrête, ça suffit. Attends que je t'explique quelque chose. Toi, tu vaux mieux que ça. Tu finiras comme chef. Et j'ai pas envie de te perdre parce que tu as connement décidé de te tirer. On dit que le public ne croit plus du tout aux héros à notre époque. Je m'en contrefous. Avec toi, Max. On va leur montrer ce que c'est que des héros. J'espérais vraiment me garder en sortant des conneries pareilles. Non, mais j'ai dû paraître sincère une demi-seconde. Hey, attends, est-ce que tu veux que je te supplie? Est-ce que tu veux que je me mette à genoux? Just a minute. Non, une minute. Give me a reason. Donne-moi une seule raison. I'm scared, Fifi. J'ai peur, Fifi. You know why? Et tu sais pourquoi? C'est un vrai cercle de dingue, tout ça. Seulement, je commence à y prendre plaisir. Mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce qui te prend? Non, écoute, si je reste sur la route, je voudrais pas mieux que les autres. Je vais devenir marteau, moi aussi. D'accord, j'ai un petit insigne de bronze qui me permet de dire le contraire. Mais est-ce que tu vois où je veux en venir? C'était un extrait du tout premier Mad Max réalisé par George Miller. Melvin Z. Oui. D'où vient George Miller? Alors George Miller, c'est quelqu'un qui naît en 1945 à Chinchilla, un petit bled à 350 km au nord de Sydney. Ses parents, c'est des immigrés grecs. Et il déménage, à une dizaine d'années, il déménage dans la banlieue de Sydney. Et rapidement, il est passionné par le cinéma, ça l'intéresse énormément. Et puis, il voit des films comme M.A.S.H. ou la bataille d'Alger, ouais. Et à ce moment-là, il se rend compte que le cinéma, c'est vraiment quelque chose qui va compter pour lui énormément. Et au tout début des années 70, son frère va participer à un petit concours. Il s'agira de filmer un court-métrage. Et c'est lui qui va le faire. Et son frère va gagner le concours qui est la participation au premier stage de cinéma organisé par des étudiants de Melbourne. Son frère décide de pas y aller et lui prend sa petite moto et fait les quasiment 1200 km sur sa petite moto pour arriver et faire participer à ce stage qui dure 6 semaines, je crois, quelque chose comme ça, où il y a une vingtaine de personnes qui sont réunies. Et c'est là qu'il rencontre la personne qui va devenir la plus importante pour lui, en tout cas pour la première partie de sa carrière, qui est Byron Kennedy, et qui est, en tout cas pour Mad Max, probablement la personne la plus importante. Donc Byron Kennedy, c'est quelqu'un qui naît à peu près en même temps, il est un petit peu plus jeune, et lui du côté de Melbourne, et qui dès 14-15 ans va développer une passion pour... On lui offre une caméra Super 8, et il va commencer à tourner des petits courts-métrages. Donc à l'époque, dans les années 60, le cinéma australien, ça n'existe carrément pas, c'est une traversée du désert. Il commence à gagner des concours fin 60, début 70, et il va mentir en se faisant passer pour un étudiant pour participer à cet atelier. Ils vont réaliser un film ensemble, Kennedy et Miller, durant ce festival. Ils vont rencontrer des gens qui seront de futurs grands réalisateurs comme Philip Noyce. Et puis, dès la sortie de cet atelier, ils vont commencer à réaliser une série de courts-métrages et de moyens-métrages qui aboutiront quelques années plus tard à la réalisation de leur premier film. Et alors, on voit que George Miller a un penchant naturel pour le cinéma et pourtant, sa formation initiale, c'est une formation de médecin. Oui, il était parti pour faire des études parce qu'en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'à l'époque, être cinéaste, c'est pas du tout une option dans l'Australie, c'est pas du tout un métier imaginable. Donc, lui, il était parti pour faire la médecine, c'est ce qui l'intéressait. Son frère jumeau était médecin aussi. Et en fait, il raconte en interview régulièrement que il séchait les cours et il allait plutôt au cinéma et son frère prenait les notes de son frère, quoi. Et il commence son internat à peu près après l'atelier qu'il fait avec Byron Kennedy. Et donc j'ai pu rencontrer un des amis d'enfance de Byron Kennedy avec qui il faisait ses premiers courts-métrages et il me racontait que Byron Kennedy venait squatter l'internat l'hôpital, des salles d'hôpital pour faire commencer à monter des premiers films. Donc Miller passait en blouse blanche de ces salles de où il recevait les patients aux salles de repos où il bossait sur ses premiers films avec Byron Kennedy. Et est-ce qu'il y a une porosité entre la formation et le passé médical de George Miller et son cinéma ? Est-ce que ça lui a amené à prêter une attention toute particulière à certains aspects ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tendance à surévaluer cette chose-là. Dans le premier Mad Max, on voit quelques petits détails. Il y a un accident de la route, on peut faire quelques liens, mais je pense que le rapport, il est surtout avec le culte de la voiture et l'importance qu'avait la voiture en Australie à cette époque-là. La crise identitaire qu'il y avait autour de ce sujet, plus finalement que sa formation de médecin où il était, pas vraiment. Pas appliqué. Oui, pas vraiment très appliqué. Il y a une anecdote amusante sur le tournage du premier Mad Max. L'une des actrices qui joue le rôle de la vieille tante May est tombée et s'est cassée la jambe. Et en fait, George Miller l'a auscultée et a absolument pas repéré qu'elle avait une jambe cassée et l'a renvoyée chez elle en se disant « Non, mais ça va aller ». Et chez la Florence, donc l'actrice a dit « En tant que médecin, George Miller, c'est vraiment un excellent réalisateur ». Et c'est amusant parce que sur le tournage de Mad Max 2, Guy Norris, un des cascadeurs, se casse également la jambe et George Miller a pas non plus vu. Et donc, des gens m'ont dit « George Miller, visiblement, a un problème avec les jambes cassées ». Ou la traumatologie. Ouais, ou la traumatologie. Et alors, ce premier court-métrage, ça s'intitulait « Violence in the Cinema ». Ouais, violence dans le cinéma, partie 1. Donc c'est de là que je tire le titre de mon livre. Alors c'est un petit film qui est vraiment étonnant parce que par rapport à l'époque, il est particulièrement bien fait. C'est vraiment leur tout premier film. Et donc on voit un psychologue ou un universitaire qui, face caméra, va soliloquer pendant, ça dure un petit quart d'heure, et reprendre un discours sur, sur la violence au cinéma. Et en fait, c'est un discours qu'ils ont shippé d'un Australien qui a produit plein de films, etc., qui avait étudié ces sujets-là. Et donc, la personne va débiter son texte de manière imperturbable. Et au cours du court-métrage, des gens vont venir. Au début, on va lui coller des coups de poing dans la figure. Après, on va commencer à le poignarder, lui tirer dessus. Et lui, imperturbable, va continuer à débiter son texte. Et c'est de plus en plus violent, de plus en plus gore, jusqu'à ce qu'on le jette à travers par la fenêtre et qu'on finisse par lui rouler dessus en voiture. Et le film est malheureusement invisible. Pour le voir, il faut aller aux archives à Canberra, en Australie. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un film qui est vraiment extrêmement bien fait et assez ironique par rapport au débat qu'il y avait à l'époque et qui les intéressait. Hein. C'est genre sur la violence au cinéma, le cinéma de Peckinpah, Orange Mécanique qui aura une influence énorme sur leur premier film et notamment sur le premier Mad Max. Et donc ouais, non, c'est un film vraiment vraiment particulier, vraiment curieux. Alors ensuite on annonce la sortie le travail sur le premier long métrage Mad Max. Et là, je me tourne vers les autres participants. Dedo, avec quel film de la saga vous avez débuté Mad Max? Mad Max 2 à l'époque, parce que la VHS, le vidéoclub, et du coup cette figure un peu tutélaire qu'on a envie de découvrir, parce que Mel Gibson, que j'avais entre temps moi découvert via L'Arme Fatale, et c'est d'ailleurs assez marrant de voir la filiation, si on peut digresser un peu, qu'a Mel Gibson par rapport à ce rôle et celui qu'il a dans L'Arme Fatale. C'est-à-dire que de la même manière, le héros devient ce qu'il doit être à partir du moment où sa femme meurt, que ce soit pour Riggs ou pour Rokotansky, donc Mad Max. Et du coup, c'était intéressant de voir ce parallèle-là et donc de découvrir cette incroyable figure et qui redéfinit un peu les courses-poursuites après ce qui a été comme maître étalon pour moi, forcément French Connection et Bullitt. Je pense que Miller ensuite a redéfini tout ça parce que Mad Max 2, enfin et ensuite par Fury Road un peu plus. Donc voilà, par ce biais-là. Et Mad Max 2. Ouais, Mad Max 2. Élise Lépine? Alors moi, je crois que j'ai fait Mad Max 1 ado, Fury Road ensuite, et puis après le 2 et le 3 ou l'inverse, mais pas du tout dans l'ordre. D'accord. Et ensuite, dans l'ordre, de manière plus scolaire, pour écrire ce chapitre sur Mad Max 3. Alexandre? Moi, je fais encore plus n'importe quoi. J'ai commencé par Mad Max 3 en pensant qu'il y aurait des courses-poursuites. Chose qu'il n'y a quasiment pas. Hein. On y reviendra. C'est un peu le point un peu spécial. Il y a des randonnées-poursuites. Voilà. Du coup, je comprenais pas ce que je regardais. Du coup, après, j'enchaînais sur Mad Max 1. Je fais, ça ressemble plus à ce qu'on m'a dit, mais il manque encore un truc. Et après, j'ai fait Mad Max 2. Et là, j'ai compris. Et après, j'ai revu le 3 et j'ai mieux compris la logique de tout ça. Mais j'ai vraiment fait ça dans n'importe quel ordre. Oui. Et le Fury Road, bien après, parce qu'il est plus récent. Donc voilà, et puis j'étais grand, donc je comprenais mieux ce que je découvrais, alors qu'à l'époque j'étais adolescent, moche, et je voulais de la testostérone et des voitures. Donc vraiment, Max 3, c'était, qu'est-ce que je vois là? Je comprends pas. Oui, les pistes sont troublées. Oui, ben après, il y a plein de raisons à ça, mais c'est vrai que quand on parle de Mad Max, en fait, on pense souvent à Mad Max 2, en tout cas historiquement, ça a un peu changé avec Fury Road, mais le 1 a un statut particulier, le 3 aussi, et finalement, ce qu'on imagine de Mad Max, c'est surtout le 2 et le 4. Surtout le 2 et le 4, ouais. Oui. Et d'ailleurs, Melvin, ce premier film Mad Max qui sort sur les écrans australiens, il a eu une vie très différente à l'étranger. Il a été doublé en anglais parce que pour les Américains, l'accent australien, c'était rédhibitoire. Alors, pas tout à fait. C'est une des choses que j'ai essayé de faire avec mon bouquin, c'est de revoir toutes les légendes urbaines qui courent autour de Mad Max et de voir en fait les véritables raisons l'une des raisons pour lesquelles ils ont redoublé le son aux États-Unis, c'est que les gens qui ont acheté les droits de Mad Max voulaient le distribuer essentiellement dans des drive-in, et c'est Byron Kennedy qui a fait le son du film, et il a fait un son plutôt atypique où ils ont noyé les voix dans les effets sonores. Et les Américains se sont dit, c'est totalement incompréhensible, le son est trop dégueulasse, ça va jamais passer en drive-in. Après, c'est l'une des raisons principales. Après, redoubler les films australiens aux États-Unis, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait, genre avec Les voitures qui ont mangé Paris de Peter Weir ou avec d'autres films. Donc c'est quelque chose qui était habituel. Mais là, pour le coup, il y avait vraiment un gros problème au niveau du son. Après, moi, c'est quelque chose qui... le fait de noyer les voix à l'intérieur des effets sonores, c'est quelque chose qui était... c'était leur idée Mais c'est, je pense, la raison principale. Est-ce qu'on peut résumer assez rapidement de quoi parle le premier Mad Max ? Le premier Mad Max, c'est l'histoire de deux bandes rivales, une bande de flics et une bande de bikers qui s'affrontent sur les routes et qui, comment dire, suite à la désobéissance des flics de poursuivre un bandit qui ne devrait pas poursuivre, vont provoquer sa mort et une série de drames qui vont mener à la disparition. Night Rider. Le Night Rider, l'aigle de la route en français. Et ça va provoquer une série de drames qui, la mort du meilleur ami et de la femme du meilleur flic, du meilleur flic de la route. Et ce flic était suicidaire et quasiment psychopathe. Rester dans le camp entre guillemets des gentils parce que son collègue motard lui offrait une sorte d'idéal de justice auquel il pouvait se rattacher à l'intérieur de son boulot, et sa femme lui c'était comme une promesse d'une vie possible en dehors de la route, quoi. Et à partir du moment où ces deux garde-fous disparaissent, Max va devenir qui il était dès le début, c'est-à-dire pleinement, c'est-à-dire un pur psychopathe, quoi. Et que le héros appelé par son chef est une sorte de monstre particulier. Et c'est un film vraiment particulier, parce qu'à partir de Mad Max 2, George Miller va changer complètement son fusil d'épaule, et on en parlera tout à l'heure, quoi. Mais le premier film, c'est un film qui est vraiment sur la... d'une manière un peu inconsciente, mais qui parle de la crise existentielle qu'il y avait en Australie à partir du début des années 70, quand le culte de la voiture a subi deux chocs énormes. Le premier, c'est le choc pétrolier. Même si ça s'est pas, même s'il n'y a pas eu un impact direct en Australie, le prix de l'essence qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, diminuait année après année, à partir de 1973, va commencer à augmenter doucement. Ça va amener une crise qui va vraiment se révéler à la fin des années 70. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est ce qu'on appelait le scandale des super voitures. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse course automobile en Australie, et les constructeurs automobiles, pour pouvoir proposer des voitures sur cette course, étaient obligés de proposer des voitures de tourisme, c'est-à-dire des voitures qui vendaient aux gens, quoi. Et donc ils sont mis à vendre des muscle cars surpuissantes. Et en 1972, il y a eu un scandale où un article dans la presse a révélé cette histoire en disant genre c'est aberrant de vendre des voitures qui vont à 260 aussi puissantes aux gens. Et donc ça a été interdit. Et à partir de là, l'idée des jeunes mecs de faire des rodéos, d'années, voilà, qui fantasmaient sur ces voitures, ça a disparu, quoi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment au cœur du premier film. Et c'est vrai que là, je m'adresse à tout le monde. On parle de Mad Max comme d'un film, le premier, hein, comme d'un film post-apocalyptique. Mais dans la société qui nous est présentée dans le premier, on est encore assez proche de notre monde tel qu'on l'a connu. Il y a pas, on voit des petits drive-in, on voit des petits restos de route, petite maison au bord de l'eau. On n'est pas du tout dans ces plaines désertiques avec des gens bardés de d'armures avec des pics et toute une imagerie sadomasochiste. On est proche de chez nous, Élise Lépine. Je pense que dans l'imaginaire qu'on peut avoir de ces situations-là, ce serait le moment de l'effondrement, Mad Max 1, c'est-à-dire le moment où tout ce qui paraît normal, avoir une famille, aller au travail, faire le plein d'essence, etc., tout ça bascule dans une anormalité totale qui annonce l'apocalypse, mais qui est l'apocalypse en cours, en fait, et qui annonce un monde post-apocalyptique où tout sera beaucoup plus compliqué et où plus rien ne sera normal. Oui, parce qu'en fait, ce qui frappe quand on voit le premier Mad Max, c'est surtout la lente décadence et l'érosion de la société consumériste, capitaliste telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que les gares sont vieilles, usées. Le commissariat où officie Max et ses collègues, c'est un entrepôt où on sent qu'il y a vraisemblablement, il n'y a plus de fonds publics. Hein. Ouais, ça monte en pleine décadence, qui est en train de disparaître. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que ça semble pas préoccuper les personnages. On n'a pas l'impression que les personnages vivent dans un monde qui s'effondre. En tout cas, eux, ça semble pas les concerner du tout. Après, bon, le fait que ça se passe a few years from now, dans quelques années, c'est d'abord parce qu'ils se sont rendus compte que tourner un film de flics tel qu'ils pensaient leur scénario dans le monde contemporain qui était l'Australie de la fin des années 70, ça avait vraiment aucun sens, quoi. Et donc ils se sont dit, si on décale le film dans quelques années, on peut avoir une approche un peu plus abstraite et se rapprocher un peu plus de la fable, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des flics avec des dégaines plus funky, des voitures avec décorées de manière un peu plus baroque, et puis raconter une histoire qui... Ouais, des flics qui ont quand même un culte du cuir qui est... Ouais. Bah après, je me suis rendu compte, mais en fait, en creusant un peu le sujet, que les flics de la route australienne à cette époque-là ressemblaient vraiment aux flics. En fait, le décalage pour nous est énorme parce qu'on est français, européen, on connaît pas bien l'Australie des années 70, mais c'est finalement pas vraiment si éloigné de ça que du pays à l'époque. Ils portaient vraiment des pantalons en cuir comme ça. Oui, mais surtout c'est les voitures de flics, ils les appelaient du côté de Melbourne, ils les appelaient les Canary Cars, c'est-à-dire les voitures canaries, parce que c'était des Ford Falcon qui étaient peintes en jaune et qui ressemblent, qui sont vraiment très proches des voitures de flics qu'on voit dans le premier film, quoi. Après, il y a quelque chose qui est aussi intéressant à voir quand on voit Mad Max 1, c'est-à-dire que au début on voit des gens qui vont partir en vacances, qui discutent, il y a une vie sociale qui semble assez proche de la nôtre, et plus on avance dans le film, plus les figurants, les gens du décor, etc., disparaissent progressivement pour laisser la place uniquement à la route et aux gens qui occupent la route, quoi. Et c'est-à-dire à Max qui dégage la route de tous les bikers, quoi. Et pour George Miller et son co-scénariste James McCausland, il disait que les Australiens seraient prêts à faire n'importe quoi pour continuer à avoir de l'essence. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait réfléchir cette vision d'une dystopie qui serait générée, qui aurait pour point de départ une pénurie d'essence. Et dans des événements récents français qui ont vu les gens se mobiliser autour du prix du baril avec la crise des gilets jaunes et tout ça, je me suis dit, finalement, est-ce que cette vision sombre du futur, c'est pas finalement celle qui est la plus proche de ce qu'on pourrait connaître? Est-ce que c'est pas le futur le plus abordable, celui de Mad Max? Ça pourrait complètement, et en plus c'est complètement lié aussi à la structure même de l'Australie, c'est-à-dire que l'Australie s'est construit autour de la voiture. Par exemple, si je fais un parallèle avec les États-Unis, il y a deux événements, deux révolutions, on va dire, technologiques qui construisent le pays. Le premier, c'est le train. On a tous vu Il était une fois dans l'Ouest, hein, le pays se construit autour du chemin de fer. On pousse le chemin de fer, on pousse les Indiens dans des réserves, et le pays se construit comme ça. Et l'autre révolution, dont on parle moins, c'est la ligne téléphonique. C'est la même logique. On va planter la ligne téléphonique à des endroits. C'est comme ça que le pays se construit. Le train et la ligne téléphonique, c'est moins primordial en Australie. Et c'est la voiture. C'est vraiment un pays de voitures, jusqu'aux dérives des années 70 dont on parlait avant. Et en 79, Miller disait dans une interview, la voiture, c'est l'équivalent de l'arme à feu aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est quelque chose tellement ancré dans la société qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Donc ça va au-delà de j'ai besoin de me déplacer d'un point A à un point B. C'est presque un symbole comme nous Marianne. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu cette idée-là. Donc vraiment une crise de l'essence et une crise apocalyptique autour du fait de pouvoir se déplacer, c'est très australien. Et évidemment, avec la crise de 73, mais aussi avec les crises qui se multiplient depuis et la hausse du baril depuis, on voit très bien que c'est un besoin fondamental pour toutes les sociétés. Et en France, effectivement, les gilets jaunes ou d'autres crises dans le monde, on sait que ça démarre aussi par ce genre de problème. Donc c'est assez marrant parce que le film est quand même ancien maintenant, il y a eu d'autres crises entre-temps, on prévient aussi du réchauffement climatique et de plein de dérèglements, mais ça part de quelque chose de physiologique, quoi, un besoin primaire qui est « j'ai besoin du plein pour avancer ». Et il y a ce personnage de Max, incarné par Mel Gibson, et qui a une manière, pour l'époque assez peu conventionnelle, d'être introduit dans le film. C'est-à-dire qu'on le voit que par morceaux, d'abord ses chaussures, un reflet, ses lunettes. Le regard de Mel Gibson arrive bien après l'introduction de son personnage. Il nous a révélé à l'issue de la première poursuite, lorsque l'aigle de la route se fracasse sur un camion. C'est à ce moment-là qu'on le voit en entier. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont on nous présente la voiture noire, l'Interceptor, c'est à peu près de la même manière, parce que quand il va la voir, on la voit pas en entier, on voit le moteur, oui, on voit un petit morceau. À la base, cette voiture, c'est une voiture qui appartient au au méchant. Hein, au, alors c'est non, pas c'est tout de suite une... comment dire, son interceptor, c'est la voiture qu'ils construisent pour que Max puisse rattraper les... Voilà, et puisse devenir le héros que son chef, Fifi, genre, attend, quoi. Et que le spectateur, quand il voit le film, attend également, quoi. Et que ça soit Max ou que ça soit la voiture, ils nous sont révélés à peu près de la même manière, jusqu'au moment où le personnage prendra la voiture et va fusionner quasiment... Oui, c'est comme si c'était deux parties d'une même pièce et qui avaient besoin de se rejoindre l'un l'autre. Oui, on peut voir ça aussi. C'est Max, c'est une sorte de super-héros. Il a son costume, c'est sa voiture, et puis il a un super pouvoir. C'est le blower du comment dire de l'engin, quoi. C'est vraiment ce qui lui permet de devenir un cran au-dessus de tous les autres sur la route, quoi. Jusqu'à ce que il y a un plan, par exemple, que je trouve vraiment fabuleux dans le film. À la fin, quand il a littéralement fusionné avec l'engin, c'est qu'il y a un plan où on voit Mel Gibson, le personnage, qui s'endort pratiquement en train de conduire la voiture. C'est-à-dire que c'est la voiture qui conduit tout seul. Juste avant, on l'a vu marcher, il est blessé, il souffre, il boite, etc. Puis dès qu'il rentre dans la voiture, c'est comme s'il n'y avait plus aucune souffrance, etc. Il fait partie littéralement. Oui, de la voiture, relation symbiotique entre la voiture et Max. Oui, quelque chose qui va changer complètement dans les films qui suivent. Où Miller prendra, enfin, le personnage va changer totalement, quoi. Ce sera plus du tout le même esprit, quoi. Mais oui. Et pour le problème, juste pour revenir à ce que tu disais, Alexandre, par rapport à la route et au fait que ça soit un film du futur, c'est à la fois un film du futur, mais c'est plus une caricature du présent. Et puis c'est aussi un film qui recycle les figures du passé, et notamment le western. Oui, on en parle. Et c'est à la fois, si on en parle, enfin. Mais c'est bien de le dire. C'est à la fois quelque chose qui, donc il y a des figures genre comme le duel où les personnages ils se tirent plus dessus. C'est carrément eux qui sont devenus les balles qui se propulsent genre à l'intérieur de leur voiture. Et puis en même temps c'est un truc qui par rapport au western américain, et comme tu disais, où la route, l'avancée de la route, c'était synonyme de civilisation. Aux États-Unis, ils sont allés de plus en plus à l'ouest, et puis à un moment, ils ont découvert l'océan Pacifique, et puis c'était fini, l'Amérique était civilisée. En Australie, c'est pas du tout pareil, puisque la frontière, c'est ce qu'ils appellent le cœur mort, le centre du pays, et ça a jamais été domestiqué. Donc il y a un rapport un peu différent à la route, et dans Mad Max, la route, elle est plus synonyme de civilisation, elle est synonyme de chaos et de. On voit d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil, on voit un panneau avec marqué Anarchy Road. Oui. Et ça, le fait que on se retrouve sur la route et que cette route ne mène nulle part et que constamment, dans le premier Mad Max, il y a des choses qui font pas vraiment de sens. Max va passer son temps à recroiser la bande de bikers alors qu'ils se suivent pas forcément. Oui, en termes d'enjeux spatiaux, on n'est plus. Tant qu'on est sur la route, on va fatalement se recroiser les uns les autres. Et puis par rapport à ce que tu disais, de toute manière sur l'introduction du personnage par certains éléments qu'il constitue, c'est de mon point de vue très léonien. C'est-à-dire que dans l'été une fois dans l'Ouest, déjà il y avait déjà cette possibilité de montrer le personnage par du cache-poussière et tout ça. Et donc ça rejoint la figure effectivement du western et de la monture quelque part, parce que c'est l'équivalent de la monture du cheval pour lui et cette espèce de symbiose dont on parlait. Et d'ailleurs quelque part c'est aussi l'introduction du western dans du cinéma de genre qu'avait fait auparavant, par exemple, John Carpenter avec Asso, de la même manière, sauf que là, on le décline sur autre chose parce que là, c'est aussi un film de vigilante et donc ça permet de faire entrer ce grand mythe du cinéma américain à travers d'autres genres de cinéma. Ou Star Wars avec Han Solo. Exactement. Dans Mad Max 3, Thunderdome, au-delà du dôme du tonnerre, on fait la connaissance d'une impératrice, d'une reine. Entité, une grande chanteuse à laquelle je vais peut-être prochainement consacrer un blockbuster. J'aime bien faire du teasing comme ça. Vous allez voir, il y a une cohérence dans la programmation. Tina Turner, on l'écoute avec We Don't Need Another Hero. We are the ones. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Kennedy et moi avions décidé de faire un long métrage. Et je pensais que si l'on était bien préparé, le film suivrait. Et j'ai été bien surpris car ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je pourrais décrire ça comme promener un énorme chien. Tu veux l'emmener quelque part, mais lui te traîne sur un tout autre chemin. C'était assez pénible. Et puis, les meilleures et les pires choses sont arrivées. On était à court d'argent en post-production. Alors Byron s'est occupé du son. Il produisait avec moi, je me suis chargé de l'image. Il nous restait quelque chose comme moins d'un an pour livrer le projet, et je me suis retrouvé confronté à moi-même dans cet atelier où il fallait monter le film. Les erreurs que j'ai commises étaient toute une grande leçon. Je pensais, oh non, je n'aurais pas dû faire ça, ni ça. Et heureusement, quand le film est sorti, ça fonctionnait. Soudain, il sortait en France, au Japon et partout dans le monde. Les gens y ont vu un intérêt. Et je crois que c'était parce qu'on avait créé un archétype, quelque chose de complètement nouveau à ce stade. Alors, quand l'opportunité de réaliser un deuxième film est arrivée, j'étais capable d'appliquer toutes les leçons apprises de cette première expérience. Le deuxième film est un gros tournant, dans l'histoire en elle-même et dans la technique. En fait, le premier volet a été une expérience très brutale pour moi en termes de créativité. Je croyais vraiment que je n'étais pas capable de faire un film. Pour le deuxième, c'était carrément un engagement physique. On avait aussi plus de budget. Mais pour des raisons particulières, on avait peu de temps et le second film a été tourné dans la continuité. Aussi parce que l'histoire le permettait. George Miller qui s'exprimait sur le tournage de Mad Max 1 et des difficultés rencontrées. Et j'aimerais vous poser une question à vous tous et toutes autour de la table. C'est le rapport de George Miller à la justice personnelle. Parce que voilà, Mad Max, ça reste quand même des films très violents. Et est-ce que Max, ce personnage incarné par Mel Gibson, est un autre avatar de voilà de la vengeance personnelle telle qu'on a pu le voir avec Charles Bronson ou Clint Eastwood? Dedo? Oui, je trouve que effectivement, il y a, on sent vraiment un rapport par rapport à ça, et que il y a une possibilité. Pour moi, c'est une figure du prolétariat. Donc quelque part, même s'il a été flic, il y a un besoin de vouloir revendiquer l'injustice. Et malheureusement, ça part souvent par la prise des armes. Mais c'est en ça aussi que ça rejoint certains éléments du western. C'est qu'à un moment, d'ailleurs, dans le 3, il y a quelque chose où il a besoin d'aider le peuple et d'aider un clan. Et je pense qu'au fond de lui, malgré tout, même si le personnage devient totalement psychopathe, il a un sentiment de justice, comme la plupart des vigilantes, qui prédomine. Et que du coup, voilà, cette ambivalence-là fait que le discours peut être un petit peu compliqué à entendre, mais qui peut être cohérent avec un moment où la société, justement, a besoin de rébellion. C'est-à-dire que si tu... Alexandre Matisse. Si tu montres le film, le premier, juste le dernier quart d'heure, c'est un pur vigilante et c'est même... on peut ne pas comprendre pourquoi il est comme ça, il est très très très violent. Si on fait tout le parcours du 1, on comprend pourquoi il en vient à ça, et c'est du coup un peu ambigu, et on n'est pas dans du pur d'Ortiari, même si on est un peu dans cette idée-là. Et après, comme tu disais, à partir du moment où il va aider d'autres communautés, il le fait pour les autres, mais lui, à partir du moment où il a perdu les éléments sociaux, c'est-à-dire sa femme, c'est son meilleur ami et tout, il a plus d'intérêt. Et même dans le 4, il va refuser ça, et quand il va finir par aider cette communauté de femmes, lui s'en va et il se fond dans la foule, justement. Ouais. La dernière image de Mad Max 4, quasiment, c'est il se fond dans la foule et on ne le voit plus, et on y reviendra, mais même le choix même de l'acteur qui devient secondaire a quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Donc c'est toujours un peu ambivalent, mais George Miller est toujours très ambivalent, même dans son regard, son regard par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport à la société. Il y a toujours une double facette, je trouve. Élise Lépine? Oui, c'est vrai, en fait, il y a une double facette, puisqu'il y a à la fois une volonté de vengeance ou de justice ou de réparation, et en même temps, une volonté d'auto-consolation, quoi. Enfin, surtout dans le 3, mais dans le 2 aussi, il y a quand même ce vide en lui, et puis cette quête autour de lui d'éléments qui peuvent le combler, et en même temps, à la fin, ce refus de se réinvestir dans une espèce de normalité, entre guillemets, c'est-à-dire de refaire famille ou de refaire clan. C'est un éternel solitaire, c'est sa croix qu'il va porter tout au long des films, mais il n'est pas brûlant uniquement de colère. Il est brûlant de tristesse aussi, et brûlant de l'envie de réparer ce qui est irréparable. J'ai le sentiment, sur les quatre Mad Max, qu'au fur et à mesure, la figure très incarnée de Max évolue vers quelque chose de l'ordre presque du spectre, qui a été complètement façonné par l'environnement, et qui a créé une sorte de prédateur particulièrement à l'aise dans cet univers-là, mais qui n'a même presque plus besoin de s'expliquer. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir même les lignes de dialogue qui, d'un film à l'autre, baissent, jusqu'à un Tom Hardy qui reprend le rôle et qui a presque du mal à parler parce qu'il ne fait que grogner. Et je ne sais pas si, Melvin Z, si vous avez eu ce même sentiment de voir tout d'un coup le personnage devenir une sorte de presque de figure... Entre le premier film et le deuxième film, George Miller, il découvre Joseph Campbell, toute la théorie du héros, etc. Donc Max, au début de Mad Max 2, c'est l'archétype du héros, donc qui va suivre le parcours classique du héros, comme Luke Skywalker. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'appel de l'aventure, il va refuser, il va finir par accepter, il va y aller. Et puis à la fin, pourquoi est-ce qu'il quitte? Il va pas rejoindre la grande tribu du Nord, etc. C'est parce que dans Joseph Campbell a dit que le héros doit apporter quelque chose à la communauté, mais qu'il doit pas lui apporter à lui-même. Donc on est d'un coup, il y a vraiment une rupture énorme avec le premier film. Et à partir de là, Mad Max 2, Mad Max 3, c'est une suite directe. Quand George Miller fait Mad Max 4, et surtout à partir du moment où le film de 2003 est annulé, c'est-à-dire que la version avec Mel Gibson est annulée, et qu'il relance des années plus tard une version avec Tom Hardy, le Max au début de Fury Road, c'est plus vraiment le Mad Max qu'on avait avant. C'est plutôt le Max qu'il incarne. Ce qu'il incarne, c'est-à-dire c'est l'image d'Épinal que les gens ont du personnage. C'est-à-dire qu'il dit au début, le film commence comme ça, il dit une fois avant j'étais flic. Mais si on réfléchit, ça fait aucun sens dans le film parce que il est relativement jeune. Le monde est post-apocalyptique, complètement délirant depuis bien trop longtemps pour qu'il ait pu être flic jeune. En fait, quand il dit « à une époque, j'ai été flic », c'est-à-dire à une époque dans d'autres films, dans d'autres histoires. Mais c'est l'histoire de... C'est le fait que George Miller considère les films comme des fables qu'on se raconte autour du feu, etc. quoi. Et du coup. Mais c'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que quand je parle du spectre de la vengeance, les auditeurs savent que moi je suis vraiment très féru de comic book, mais je trouve que en comic book il y a un parallèle à faire avec le personnage de Ghost Rider, où il y a toujours eu des Ghost Rider, différents avatars. Mais fondamentalement, le personnage est le même. Et je trouve que Max, au bout d'un moment, ça devient une sorte de Ghost Rider du monde de Mad Max. C'est une idée avec laquelle ils ont joué. Et Brian Kennedy a dit qu'on pouvait imaginer Mad Max comme James Bond, quoi. C'est-à-dire qu'il lui arriverait des histoires. Et c'est pour ça aussi que George Miller voulait absolument que ça soit un acteur jeune qui interprète Max dans Fury Road. Et il voulait pas d'un Mel Gibson trop vieux. Il voulait pas faire impitoyable comme quand Clint Eastwood fait impitoyable et qui reprend son personnage vieilli, etc. George Miller veut pas ça. Il veut un Max qui soit éternellement jeune parce que de toute façon, Mad Max 2, le film qu'on voit, c'est pas entre guillemets la réalité de l'histoire. C'est l'histoire racontée par le gamin qui va le voir avec ses yeux d'enfant. Mad Max 3, c'est l'histoire racontée par la tribu d'enfants, etc. Il y a toujours cette idée de l'histoire qu'on voit, c'est l'histoire que les gens se racontent. Et ça se trouve, le gars n'a pas vraiment existé ou c'est un agglomérat de plusieurs personnages. Oui. Ça reste dans le. Moi, en tout cas, ça a toujours été une fois que je l'ai vu, mon interprétation, c'est que l'ambiguïté du personnage n'est révélée de toute manière, c'est-à-dire qui révèle son nom quasiment à la fin du film. Et on peut très bien se dire que même il a récupéré cet archétype de transmission du fait qu'il a peut-être entendu cette histoire qui était une légende urbaine et qu'il a voulu se l'approprier pour quelque part se donner une identité plus forte et retrouver cette symbolique-là, parce qu'à aucun moment on peut se dire que c'est effectivement le Max Rokotansky. On peut très bien se dire qu'il a voulu se servir de ce conte-là pour quelque part devenir quelqu'un lui-même. Et voilà, comme Miller n'a jamais dit qu'il y avait une filiation directe et que de toute façon c'est pas le même personnage, moi c'est mon interprétation et j'aime bien cette idée, je la garde. Et il y a ce rapport à la voiture et au véhicule qui est particulièrement présent dans Mad Max, mais qu'on retrouve aussi dans énormément de films. On a parlé de relations symbiotiques, mais même quasi sexuelles. Et on voit ça chez d'autres réalisateurs, avec Crash, plus récemment Julia Ducournau avec Titan, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui interroge entre un homme et sa voiture, et la fusion des deux. Qu'est-ce que ça vous évoque, la saga Mad Max, là-dessus, sur le rapport de l'homme et de sa sexualité et sa voiture? Souvenez-vous de cette pub des années 80, il a la voiture, il aura la femme. Et t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est tout le temps. Non, mais c'est vrai qu'il est mélangé, quoi. Ouais. Il y a même Fast and Furious aujourd'hui, ça reste aussi un autre avatar plus pop et plus commercial. Mais on est encore là-dedans. Ouais, mais autour de ça, ils font de la famille. Oui. Ils répètent ça. Oui. Et puis, vous avez déjà doublé un homme sur la route, on a l'impression qu'on a insulté sa maman. Si on le double, enfin, il y a vraiment un prolongement, effectivement. Et par rapport au premier, où il devient une sorte de fusion, vu que j'ai tout vu à l'envers, hein, je le rappelle, quand j'ai vu Mad Max 1, je connaissais K2000. Et je me suis dit, ah, bah, c'est K2000, la fin. Alors bon, c'est pas tout à fait dans le bon ordre, mais c'est un peu cette idée-là. K2000, c'était une série où l'homme faisait un avec sa voiture, il avait juste la petite montre et il l'appelait. Donc, même la dimension sexuelle, elle lui permettait même de s'envoyer en l'air parce qu'elle l'éjectait comme ça. Ouais, et il faisait des cascades que j'aimerais trop savoir faire, mais que je ne sais pas faire. Non, et juste pour finir, et même dans la manière de filmer la voiture, en iconisant la voiture, et exactement comme ça a été repris dans Fast and Furious ou d'autres sagas, il a aussi une manière de fétichiser la voiture. Et on parle évidemment de Crash ou de Titan, où il y a également ces dimensions-là. Christine aussi. Christine, oui. Christine, évidemment. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de points en commun avec Carpenter. Hein, on parlait d'assaut. Enfin, voilà. Je trouve que les deux réalisateurs sont très liés, y compris dans le côté attaque de raffinerie. Enfin, il y a des choses comme ça. Mmh. Et oui, le fait de découper comme ça, de montrer des bouts de la voiture comme on montre des bouts de Max, qui est quand même une icône aussi sexuelle. Enfin, oui, bah, oui. Mel Gibson est devenu un fantasme des années 80, un homme viril. Donc la voiture aussi, le gros V8 qui fait vroom vroom, vraiment ça fait beaucoup beaucoup rêver plein de gens. Et puis il y a quelque chose qui est vraiment au cœur de Mad Max 1, c'est que l'aigle de la route a une jouissance sexuelle en conduisant de plus en plus vite, en hurlant, etc. Et lorsque Max intervient et qu'il joue au duel de Chicken Shit, quoi, c'est-à-dire lequel va face à face, lequel va tourner, donner un coup de volant l'autre en premier, explose en sanglots. Comme c'est le Knight Rider qui donne le coup de volant en premier, en fait, il est coupé dans sa montée orgasmique. Oui. Et normalement, la conclusion du truc, c'est l'accident de voiture comme un truc Et c'est quelque chose que la relation entre la sexualité et dans tous ces domaines et la voiture, c'est un truc qui est au cœur du cinéma australien des années 70. Lorsque le jeune couple est attrapé par la bande de bikers et qu'ils vont être violés, le viol qui est filmé, c'est pas le viol du couple, c'est la voiture qui est violée. Lorsque Max arrive, c'est pas Max qui est comme un héros réganien, va montrer ses muscles, être hyper sexy. C'est la voiture qui est littéralement dont le moteur est littéralement en érection, le supercharger qui est bande, enfin c'est la voiture, elle est vraiment donc c'est vraiment. Mais d'ailleurs c'est une icône qui a été reprise dans The Batman, l'introduction de la Batmobile, la dernière Batmobile, c'est filmé de la même manière, avec un moteur apparent. Voilà, c'est ce qui fait que le premier film est vraiment particulier, c'est-à-dire que contrairement aux films d'action classiques, où par exemple un Indiana Jones, il suffit que le personnage arrive, qu'on entende la musique de John Williams, et on sait qu'on va aller vers l'aventure. Alors que dans le premier Mad Max, quand Max il intervient, c'est pour siffler la récré, c'est-à-dire c'est coitus interruptus, quoi. Il arrive pour que les gens qui s'éclatent sur la route, ça s'arrête d'un coup, quoi. Et même à partir de Mad Max 2, on change de registre, mais Max subit constamment l'action, c'est-à-dire que il est tout le temps poursuivi, il poursuit jamais les gens, quoi. Ça c'est dans le premier, quand il est là pour arrêter l'action, quoi. Dans le deuxième, à partir du deuxième, il va subir l'action, quoi. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en fuite derrière moi, ce qui fait un rapport. Mais même quand on en parlait tout à l'heure par rapport à Dirty Harry, etc. Mm-hmm. Ça entretient des liens, mais d'une manière vraiment australienne par rapport aux angoisses et aux mythes du pays qui sont pas tout à fait les mêmes que aux États-Unis, quoi. Et puis un truc aussi qui tient du partenaire, c'est-à-dire que le déclencheur littéral et total, ça a été la mort de sa femme, mais il a aussi perdu son partenaire flic auparavant, ce qui est déjà une composante justement qu'il essaye d'esquiver en se disant bon, je rejette ça, mais malgré tout, je me concentre sur ma famille. Quand il n'y a plus la famille, ça devient vraiment le déclencheur total. Mais il y a vraiment ce truc de partenaire aussi. Je pense que quelque part, il y a une sorte de, il récupère son coéquipier et il en fait de sa voiture justement une sorte de symbiose. Mais c'est aussi quelque chose qui vient lui rappeler ça pour moi et qui vient faire donc équipe avec lui malgré tout. On parlait de Dirty Harry. Dirty Harry, c'est aussi son flingue quelque part qui fait partie de lui. Là, je pense que c'est vraiment la voiture qui incarne ce besoin de partenaire et de béquille. Et c'est marrant parce qu'on peut faire. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec l'arme fatale, mais c'est un peu la même chose aussi. Là, cette dualité qu'il a entre Riggs et Murtoff, c'est la même chose. Sauf que là, si on doit faire le parallèle de la voiture, Murtoff, c'est plus une Fiat 500, quoi. Là, c'est l'Interceptor. C'est quand même un peu plus. Il y a des fois le moteur V8, il dit I'm too old for this shit. Exactement, on le sent. On le sent aussi. Et Élise Lépine. Justement, est-ce que c'est pas ça qui a un petit peu perturbé les spectateurs avec Mad Max 3, dans le fait que cette relation duo entre Max et sa bagnole a complètement disparu dans le 3, étant donné qu'on a encore un peu plus avancé dans cette décadence de la civilisation, et désormais on est retourné aux chameaux, aux chevaux et aussi à pied. Max, il arrive à pied, effectivement, à Trogpolis. En fait, il a été détroussé au début du film. Et il marche dans le désert, il arrive dans cette ville où, en fait, ses affaires ont été vendues, il aimerait bien les récupérer. Et Antiti, qui est Tina Turner, qui dirige la ville, lui dit, si tu veux récupérer tes affaires, si tu veux continuer ton périple, tu me rends un service. Et le service, c'est de tuer... c'est de tuer Master, qui dirige la ville, mais dans les souterrains, parce que c'est une ville qui fonctionne. Qui est un nain juché sur les épaules d'un géant. Voilà, qui fonctionne en duo. Et donc, là, on sort complètement de la mécanique et on est dans l'organique complet. C'est-à-dire que eux vivent au sous-sol, dans les sous-sols de la ville, et cette ville, produit du méthane par le biais des déjections de cochons. Oui, en fait, on peut le dire crûment, c'est une ville qui fonctionne à la merde. À la merde, vraiment. Donc on n'est plus du tout dans l'essence et dans les mécaniques et dans voilà les pièces détachées qui s'assemblent pour former des choses spectaculaires. On est vraiment revenu à quelque chose d'organique et d'un peu dégoûtant et un peu mignon en même temps parce que Miller adore les cochons. Oui, et on voit d'ailleurs dans ce Mad Max 3 qui fait encore polémique aujourd'hui, hein, parce que on en parlait hors antenne, il y a deux films, on a l'impression qu'il y a deux films dans le même, et on expliquera pourquoi aussi George Miller a été peut-être pas forcément très concentré sur ce film à ce moment-là, mais c'est une civilisation qui tente de se recréer, mais sans oublier qu'on est quand même dans une civilisation où désormais c'est la survie du plus fort. C'est-à-dire qu'en Titi, Tina Turner essaie de faire tenir hein, des bribes de relations humaines par le troc. Mais n'empêche que Max, dans sa folie et dans ce côté jusqu'au boutiste, est très utile pour se salir les mains, parce qu'on a quand même besoin de ça pour... En fait, le monde fonctionne sur des lois qui paraissent justes à Tina Turner, mais enfin à Titi, mais qui sont en fait complètement sauvages et voraces. Qui sont, il y a le dôme du tonnerre notamment, qui est cet endroit où se règlent tous les problèmes. On y envoie deux hommes et l'un seul ressort. Et on va envoyer Max pour se battre contre Master Blaster. Mais il veut pas tuer quand même. Hein, surtout quand il se rend compte que Master est handicapé mental. Il est trisomique. L'acteur est trisomique. Et donc il se dit mais c'est là qu'on voit quand même que Max, c'est pas un complet psychopathe brûlant de folie et de méchanceté. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, dit « Attendez, il y a des règles qui sont pas celles que vous avez instaurées. » Donc il va être envoyé dans le désert, et c'est là qu'il va rencontrer ses enfants, qui survivent, eux, dans une oasis, et qui idéalisent complètement le monde du dehors et ce fameux Max. Et qui veulent sortir pour aller trouver ces villes, ces endroits fabuleux. Alors, sans se rendre compte qu'ils sont dans un endroit, le dernier endroit fabuleux de la Terre. Et je pense qu'en fait, ce qui explique ça, ce changement, qui déplaît effectivement aux fans de la saga, puisque on perd un peu ce côté trash et violent et mécanique des deux premiers Mad Max, c'est qu'on est dans un univers un peu plus Disneyland, mais on est aussi dans une époque, on est en 85, on est dans une époque, on est au croisement de plusieurs éléments qui sont d'un côté, on se rend compte au niveau, dans l'Occident, il y a une famine terrible en Éthiopie. On se rend compte, We Are The World, il y a cette chanson qui sort de Michael Jackson et plusieurs grands musiciens de l'époque qui font cette chanson à la fois pour sensibiliser les mentalités au fait que la sécheresse est en train de frapper, tuer des gens concrètement. Donc ce rapport Meadows là qui avait été ignoré, toutes ces alertes qu'on avait lancées sur le climat sont en train de se concrétiser. Donc il y a une volonté d'éveiller les consciences, il y a une volonté de faire du bien. Donc de sauver les enfants, de sauver la planète, tout le monde se réunit. Et puis il y a le deuil que vit à ce moment-là George Miller. Et puis il y a le deuil de Byron Kennedy. Et puis mort dans un accident d'hélicoptère. On l'avait pas dit, mais en fait voilà, son ami est mort en 83. Et donc quand il fait ce film, il est profondément triste. Il y a une volonté de réparation. Donc il y a plusieurs choses qui s'agglomèrent en fait pour former ce film à qui on reproche d'être un peu plein de bons sentiments et un peu éloigné de la rudesse et de la dureté des deux premiers Mad Max. Qui est plus proche d'un Spielberg, même dans les gags qui sont présentés à l'écran. Il y a des gags, il y a des chutes, il y a du sable qui s'ouvre, il y a des il y a ces cochons. Il y a des coups de poils, beaucoup de coups de poils. Il y a ce duo père-fils qui rappelle un peu le duo perdu de Max et de son fils, qui eux le détroussent, mais en même temps qui sont des personnages de comics, hein, vraiment, qui guettent les gens pour leur voler leurs affaires, mais qui sont pas vraiment méchant. Enfin, il y a un côté comique, il y a un côté mignon. Il y a à un moment des esclaves qui sont sous terre dans la fameuse usine à cochons, puis qui font des câlins aux petits cochons, avec les bébés cochons qui têtent leur maman. Enfin, on est vraiment plus du tout dans quelque chose de radical. Et ça a frustré les aficionados de l'aspect brut, mais en même temps, ça a dit quelque chose de fort sur cette période. Alors voici ce que je vous propose. Je vous livre un camion capable de tirer votre citerne et vous me rendez ma voiture avec tout le jus que je peux transporter. Nous avons perdu 8 combattants ce matin. Qu'est-ce qu'il mijote ? Pour aller chercher le camion, il me faut 20 litres de gasoil et une petite quantité de super. Think of it as a down payment. À titre d'avance, si vous voulez. Il nous laissera tomber. J'ai pas confiance. He has to come back. Il devra revenir prendre sa voiture. Eh bien, on peut tenter le coup. Got yourself a deal. D'accord, tu peux y aller. Alexandre Matisse, on vient d'entendre un extrait de Mad Max 2. Hein, on a fait un petit retour en arrière. Mad Max 2 qui est vraiment le maître étalon qui a défini la vision du futur post-apocalyptique dont je parlais en début d'émission, dans lequel le survivant, Borderlands, voilà. Et en fait, j'aimerais parler de la manière dont il... des méchants dans Mad Max, le biker dans le premier et dans le deuxième, ce personnage bodybuildé avec un masque comme ça qui est entouré par des gens avec une imagerie SM très très marquée. C'est-à-dire qu'il y a des couples gays dans Mad Max, mais c'est tous des psychopathes. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient. L'homophobie un peu latente de ces films-là, mais en tout cas, les personnages gays sont des méchants et sont des tarés, clairement. Il y a quand même une évolution, c'est-à-dire que dans le premier, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas encore vraiment du post-apocalyptique, c'est l'apocalypse en cours. Et dans le deuxième, on est vraiment dans le post-apo. Alors qu'est-ce que c'est vraiment la différence à ce moment-là, pour bien comprendre? C'est ce qu'on appelle les superstructures qui sont effondrées. Dans le premier, il y a encore la police, on peut estimer qu'il y a peut-être encore des écoles, les hôpitaux qui fonctionnent à peu près, enfin bon, c'est délabré, mais ça existe encore. Dans le deuxième, plus rien de tout ça n'existe. À partir du moment où il y a donc ni école, il y a même plus de religion, hein. On aura une religion dans le quatrième, mais il y a plus de religion, il y a plus d'art. Je sais même pas s'il y a des graffitis dans le deuxième Mad Max, je crois pas. Non, on n'en voit pas. On en voit un petit peu. Je pense sur le camion. Oui, c'est vrai. Ah oui. Bon, voilà, la vermine. C'est on va dire un embryon d'art qui reste, mais sinon il y a plus d'art. Et on est dans un monde, tout simplement de la loi du plus fort. Et le film se construit autour du fait que Max est un loup solitaire maintenant, tout comme le pilote de l'autogire, hein, qui lui aussi est un personnage solitaire. Et c'est de la survie, donc parce que c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et il reste une petite communauté dans une raffinerie qui a une sorte de proto-société qui se fonde autour du fait qu'ils ont de l'essence, que c'est le besoin le plus important à ce moment-là, et que du coup, il faut bien qu'ils s'entendent ensemble pour pouvoir exploiter cet endroit-là. Donc chacun a un rôle, il y a des gardes, il y a des gens qui s'occupent de réparer les voitures, etc., etc. C'est un embryon de société restant, c'est très peu, mais c'est ce qui se fait de mieux à ce moment-là. Et en opposition à ça, on a les méchants, dont le seigneur Humugus, qui est vraiment le gros méchant, extrêmement baraque, etc., qui lui est un prototype de « je suis le plus fort, c'est moi qui décide ». Là où ça devient un petit peu plus ambivalent, je trouve, c'est que même quand il joue le plus fort, il va essayer de proposer une espèce de contrat, genre « si vous partez, je vous laisse la vie sauve ». Je vous laisse la vie sauve. Est-ce qu'il va le tenir? On n'en sait rien. On peut se dire que vu le personnage, il va pas le tenir, mais au fond, c'est presque un procès d'intention que de dire ça. Il sait qu'il est le plus fort, il sait qu'il a le dessus, et à partir du moment où il se rend compte que ça va peut-être être un peu plus compliqué parce que il va falloir faire l'assaut, il tente une pseudo-négociation. Et ce n'est pas le méchant qui rompt le contrat, c'est les gens de la raffinerie, et c'est Max qui, en partant et en faisant pas ce qui est prévu, ou ce qu'il aimerait qu'il se passe, fait que le méchant se révèle. Donc on est vraiment sur une sorte de méchant hyper bodybuildé, et ça contraste évidemment par rapport à l'imagerie typique gay qu'on a dans les années 70-80, où on est encore sur l'idée du cuir moustache, des portes de Cruising, qui est un film qui fait extrêmement débat. On est vraiment sur, on associe les gays au cuir, au SM, et donc et aussi à une esthétique punk, hein. Il y a une espèce de mélange qui va faire école, mais c'est quand même un peu l'un des fondements, même s'il y a deux, trois autres films qui ont pu donner un peu cette esthétique-là. Et on a du coup affaire à des personnages très archétypaux. Dans le premier, évidemment que le méchant est très méchant avec cette espèce de mèche folle blanche et tout, mais on n'est pas non plus de manière aussi exacerbée. Et après, c'est peut-être juste dû au fait que dans le premier, tout est fait avec des petits moyens, de la bricole, et on essaie de créer des archétypes comme ça, et que dans le deux, il y a plus de moyens. Pour l'époque, c'est le plus gros budget du cinéma australien. Alors on part de loin, enfin on part pas de bien haut, hein, mais quand même, c'est 10 fois plus de budget, et que là, plus de costumes, plus de cascades, et plus de SM, plus de cuir, et il y a vraiment des scènes de torture en contre-jour, à un moment où on voit vraiment des gens souffrir, c'est quasiment christique, on voit des gens attachés, on voit des coups de chaîne, de fouet, donc on est sur quelque chose d'assez archétypal. C'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout dans le 4, par exemple. Oui. Même s'il y a encore des gens qui ont des tenues un peu improbables pour des airs quand même, moi je trouve, hein. Voilà les coups de soleil sur les épaules. Oui, il doit y avoir des bronzages particuliers. Ouais, il doit y avoir des bronzages. Dans Mad Max, il y a des bronzages très particuliers. Et le cuir qui doit coller aux cuisses, enfin, je sais pas comment il fait vraiment. Oui, on est d'accord. Mais dans le 4, c'est encore différent, quoi. C'est un autre type de folie qui est mis en image, alors que là, jusque dans les voitures, il y a une voiture rose. Donc, vraiment, dans le cliché, on est clairement dans un cliché, je pense, gay. Le personnage est, je sais pas, il a une crête rose, mais voilà, et il a la voiture rose, quoi. Alors. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui, pour bien comprendre ce point-là, c'est surtout dans le premier film, quand Mad Max 1 est sorti, je me souviens d'un article de Nicolas Boukrieff dans Starfix, où il se demandait si les flics étaient pas tous gays, etc. Mais c'est en fait, La relation que les mecs ont ensemble, c'est ce qu'on appelle en Australie le mateship, la camaraderie masculine. Et dans le courant des années 70, le cinéma australien a beaucoup mis ça à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des films de gars qui les tondeurs de moutons genre dans le désert, les mineurs d'opale, les gens qui vont pêcher du thon, etc. Et au final, Mad Max, c'est une nouvelle itération de ça. C'est juste des gars ensemble qui sont flics, quoi. Mais c'est pas forcément homosexuel. Je ne parle pas du tout des flics. Hein. J'en ai parlé moi avec les gens qui ont interprété les personnages et qui étaient un peu surpris de la réaction, parce que moi il y en a un par exemple qui a des lunettes en forme de cœur, etc., avec une grosse moustache, qui fait quand même aujourd'hui vraiment vraiment gay, hein, dans sa représentation, qui me dit mais non, on essayait juste d'être macho à l'époque, quoi. C'était absolument pas pensé, et c'était ni voulu ni et pour Mad Max 2. C'est comme dans Ben Hur avec le personnage de Charlton Heston à qui les huîtres et les escargots. Voilà, lui avait dit de jouer sur une certaine couleur. Et il avait dit l'opposé à son partenaire en disant tu es amoureux de lui mais il faut pas qu'il le sache parce que Charlton Heston il va péter un cap s'il sait qu'il est en train de jouer un personnage homosexuel. Et on reproche souvent l'homophobie de Mad Max 2 parce que les méchants seraient homosexuels, etc. Je pense généralement que c'est un peu conditionnel. Hein. Généralement à cause du par exemple le fait que Wes le motard qui a une crête rouge a un gars enchaîné derrière. Miller il a expliqué qu'en fait il voulait pour des raisons scénaristiques que qui est un personnage derrière le gars qui a la crête là, Wes. Et en fait, il trouvait que si c'était une fille, c'était trop cliché, ça renvoyait trop au film de biker des années 50. Donc il s'est dit je vais changer, je vais mettre un mec, quoi. Mais on voit genre un couple qui copule sous une tente quand le camion revient. Si on regarde bien, en fait, on se rend compte que les maraudeurs, il y a énormément de filles dans toute la bande, etc. Et au niveau de la représentation cuir et tout, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que à l'époque, l'homosexualité elle est encore criminalisée en Australie. Tout ce qui est les accoutrements gays, SM, etc., c'est absolument inconnu. Et que la costumière Norma Morisseau, donc qui fait les costumes de Mad Max 2, c'est une Australienne qui a vécu en Angleterre dans les années 70, et celle qui a travaillé pour Malcolm McLaren, donc le producteur des Sex Pistols, et elle a participé à la création du look punk original, c'est-à-dire qu'elle a travaillé sur la grande escroquerie du rock'n'roll, le film des Sex Pistols, etc. Et que en fait, eux, leur idée, c'était d'avoir des sortes de vikings délirants, quoi, c'est-à-dire avec des accoutrements qui inspirent la terreur chez leurs victimes, quoi. Oui. Et que au final les questions d'homosexualité, etc., et de sont vraiment totalement annexes, quoi. C'est pas des, on nous montre pas des mais c'est quelque chose qui, dès la sortie du film, des gens se sont dit genre ouais, mais est-ce que ça a un sens, quoi. Non. Alors qu'en fait c'est plus dans l'œil de celui qui regarde que dans la volonté de Miller. Je pense que c'est surtout une séquence en particulier qui amène le positionnement, la grille de lecture là-dessus. C'est que dans ce couple dans Mad Max 2, quand l'enfant sauvage, parce qu'il y a un enfant sauvage qui ne parle pas, qui ne communique pas, lance un boomerang rasoir sur un des méchants. Et c'est la réaction de l'autre qui a tellement de peine de voir son ami, amant. Fernand Wells, qui interprète le personnage, raconte en interview depuis quasiment la sortie du film que c'est lui, il le voit pas du tout comme son amant, il le voit comme son fils adoptif, etc., quoi. Ce qui, bon, pose d'autres problèmes parce que bon, c'est alors là, clairement, c'est ce moment où devant le film, je dirais, je dois être très con. C'est parce que j'avais pas vu ça. Non, mais c'est parce qu'on est sur le tournant d'une perception. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est au début des années 80. Je parlais tout à l'heure de Cruising, Friedkin, il a absolument pas l'intention de faire un film qui est vu comme homophobe ou cliché, ou il pense au contraire faire un film qui va faire avancer un peu cette image-là. Et en fait, bah, il y a des manifestations contre le film parce que la communauté gay se rend compte que ça va être encore une stigmatisation de la culture et du monde gay. Et on est dans une période effectivement où on commence à accepter, à ne plus criminaliser les cultures gays et les gays de manière générale. En Australie, c'est criminalisé. C'est une société. Il y a eu plein de films qui montraient l'homophobie de l'Australie. Pardon, je t'ai coupé, mais je pense quand même que c'est aussi une volonté de. Qu'est-ce que c'est qu'un super méchant ? Prendre une esthétique qui, dans l'esprit peut-être de l'époque, incarne ce qui est criminel. Bah, c'est-à-dire que c'est une société qui est très masculine, très très machiste, et que pour eux c'est plus l'expression d'un surmachisme. Que donc c'est la perception comme un groupe de gays, que ça soit les flics du premier, même les motards ou les personnages de Mad Max 2, c'est plutôt ironique, parce que l'idée originale était plutôt de produire des plus une surmasculinité. Après, on n'a pas forcément le temps de détailler toute l'histoire du cinéma australien. Quand on a un groupe de mecs qui vivent torse nu dans le désert, etc., la question de la place de la femme, elle se pose. Que ce soit les femmes ou les aborigènes vont arriver dans le cinéma australien à partir de vraiment de la toute fin des années 70, début 80. Avant, elles sont quasiment pas là. Soit elles sont dans les comédies sexy où on les voit passer les unes après les autres à poil, parce qu'il y a une libération des mœurs, etc. Mais sinon, c'est des films de mecs, et c'est la célébration d'une masculinité triomphante avec des grosses bagnoles, etc. Mais ça, pareil, plus sur la première saga, sur la première trilogie, plus les films avancent et plus on s'extirpe de son australianité, si je peux dire ça comme ça. Ce sont des films de plus en plus, entre guillemets, internationaux, sur des bases internationales, sur des thèmes internationaux. Au fur et à mesure que la route disparaît, comme tu disais tout à l'heure, il y a presque plus de poursuites dans Mad Max 3. C'est dans le premier, il y a vraiment des routes. Dans le deuxième, un peu moins. Carrément plus du tout. C'est le personnage de Max qui prend le plus en plus d'importance, quoi. Donc c'est une évolution qui, donc on sort de ces histoires de mateship que j'évoquais tout à l'heure. Donc on retrouve ça beaucoup moins dans le troisième, même si un œil acéré peut voir dans les personnages secondaires derrière des choses qui, si on fait des captures sur le Blu-ray de Mad Max 3, notamment à Barterton, la ville d'Entity, il y a des choses amusantes dans le background, quoi. Non mais c'est super intéressant. De toute façon, c'est pas pour dire voilà le film est comme ça. C'est des grilles de lecture. Hein, et puis la boucle est bouclée. J'ai déjà vu des spectacles de Dracoon où ça reprenait l'esthétique Mad Max 2. Donc je pense qu'ils se sont bien réappropriés la chose comme il le fallait. Voilà. Oui, exactement. Exactement. Look, I don't have time. Voilà. On n'a pas de temps à perdre. Alors. I want you to drive the tank. Je veux que tu conduises la citerne. Sorry. Et moi je dis non. We had a contract. On avait un contrat. I get my part of the bargain. Je remplis mes obligations. When I get a new contract. Je te fais un autre contrat. Got all I need here. Merci, non, j'ai besoin de rien. You don't have a future. Tu n'as pas d'avenir. Rebuild our life. Alors je t'en offre un. Rebâtir notre vie. Max, je t'offre un voyage de 3000 km. Il faut que tu viennes, mon gars. C'est là où on va s'installer. Le paradis. À 3000 km d'ici, la mer bleue, des masses de soleil, et tout ce que t'as à faire, c'est procréer. Hein? Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-le-moi, Max, tout le monde cherche quelque chose. Vas-tu te plaire sur ces terres? À vagabonder? À voir les jours mourir sous tes yeux? Tu es un vautour? Un nécrophage? Je vais te dire, tu te nourris sur le cadavre du vieux monde. Raconte-moi ton histoire, Max. Vas-y, parle. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état, hein? T'as commis un crime de trop, vu trop de braves gens mourir? Ta famille, peut-être? Ah, alors c'est ça. Perdre un être cher te confère un statut spécial, c'est ça? Hein? Écoute-moi bien. Un extrait de Mad Max 2. Un épisode dans lequel Max est interrogé sur ses motivations et où il rencontre l'enfant sauvage dont j'ai déjà parlé. Et j'aimerais qu'on parle de cet enfant sauvage parce que au début de Mad Max 2, on découvre Max avec un chien abandonné. Et en fait, au fur et à mesure, spoiler, il va arriver malheur au chien. Et on a l'impression que cet enfant sauvage qui ne parle pas, qui lui aussi a ce côté très animal, devient quelque part le chien de substitution de Max dans le film Melvin Z. Quelque représente l'enfant dans... Alors moi je dirais pas ça. Mais je me doutais. Mais disons que Max, il a une relation très proche avec son chien. c'est des survivalistes. Le chien lui permet de garder la voiture et lui permet de nourrir le chien. Donc ils fonctionnent ensemble à tel point. Ils mangent la même chose que le chien. On voit que Max mange la même chose que le chien. Donc il y a vraiment une relation, comment dire, presque fusionnelle entre les deux. Est-ce qu'ils ont des rapports plus loin, ça on, c'est, je laisse l'imagination perverse des gens. Mais l'enfant sauvage, c'est quelque chose d'autre, quoi. C'est-à-dire que Max a un rejet de, on va dire, de la société ou de la civilisation d'une manière générale. Et l'enfant sauvage, qui est le proto enfant sauvage au pluriel qu'on retrouvera dans le troisième. Mais en tant que gamin, il représente une certaine innocence, quoi. C'est-à-dire que contrairement à Papa Gallo ou aux colons, qui sont les héritiers du vieux monde que Max rejette, l'enfant, il est pour le coup vraiment innocent, quoi. Et même si, mais dans par contre, particulièrement bien adapté à cet univers-là, parce qu'il sait se défendre. Tout à fait, hein. Oui. Et puis il le voit, enfin exactement, il voit qu'il est, c'est un survivaliste qui est capable de se démerder tout seul, etc. Et finalement, dans le film, si on regarde, la relation entre lui et l'enfant, et ça se joue vraiment sur des petites touches, quoi. Ce qui, dans le scénario original, était pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que dans le scénario original, la poursuite était beaucoup plus longue à la fin. Et il y avait un moment où, en fait, l'enfant était capturé par la bande de maraudeurs. Et Papa Gallo, donc le chef des colons, qui ne mourait pas dans le scénario original, disait à Max, c'est bon, on a gagné, on peut rejoindre les autres qui sont en train de fuir. Et Max lui dit, genre, ouais, mais le gamin. Et l'autre, il dit, on s'en fout du gamin, il est... Et donc, à ce moment-là, Max collait son poing dans la figure de Papa Gallo et allait sauver l'enfant, quoi. Ce qui accentuait nettement plus sa relation avec l'enfant, parce que sinon, tel quel dans le film, il refuse, la relation entre lui est quand même à sens unique. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est vraiment fascinant. Et surtout, il y a une scène qui est vraiment, je trouve, magnifique. C'est que quand Max a ramené le camion, le gamin est vraiment impressionné et il marche derrière lui en faisant les mêmes enjambées. Et alors, si vous vous souvenez, dans le premier Mad Max, le seul moment où Max arrive à parler à sa femme, parce qu'il a vraiment des problèmes de communication. Quand il parle de son père. Il disait genre, il faisait des grandes enjambées, j'essayais de le suivre de la même manière, etc. Donc il y a ce lien, quoi. Mais quand il part, il essaye de faire fuir le gamin, il veut pas l'emmener, et au final il subit les assauts affectifs du gamin, quoi, qui sert de transition pour raconter l'histoire et qu'on se dise, comme c'est l'enfant qui le voit avec ses yeux, de la même manière que l'histoire au début des puissantes tribus entre Ertanger, etc., avec des images de guerre qui ont aucun sens, qui se rapportent pas à quelque chose de précis, c'est le récit d'un gamin qui a pas connu le monde d'avant, le monde dans lequel on est, qui imagine ça comme un récit ancien et qui va nous raconter l'histoire. Mais si ça se trouve, c'est absolument pas ce qui s'est passé. C'est la vision. Oui, c'est la tradition orale. Voilà, exactement. Ouais. Et Élise Lépine, ce rapport à l'enfant, c'est quelque chose qui est encore plus étudié et plus montré dans Mad Max 3. Et il y a notamment cette scène, ce montage très rapide où il y a un gamin qui court dans le désert pour rattraper Max. Est-ce que vous pouvez nous en parler, qui illustre bien l'évolution du personnage? C'est ce moment où les enfants insistent pour partir dans le désert, quitter l'oasis. Bon, Max les accompagne et y a cet enfant qui veut à tout prix courir, et puis Max lui dit tu te débrouilles tout seul. Et dans le plan suivant, il l'a sur les épaules et il est toujours en train de leur donner un coup de main, finalement. Et il y a ce côté bourru de Max qui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'a pas vraiment ce cœur de pierre et passe un peu son temps à laisser passer une forme de tendresse ou de réparation, et dans le 3 particulièrement, puisque, comme on le disait, il y a le deuil de George Miller qui vient épouser ou être jumeau de celui que vit Max. Et les deux, je trouve, se rejoignent avec un désir de consolation et de réparation qui est impossible, mais qui est quand même là. Pour l'immortel Joe! Once again, une fois encore, nous envoyons mon porte-guerre pour nous rapporter du gaspillage de pétrole et des munitions du moulin à balles. Une fois encore, je salue mon impérator, Furiosa, et je salue mes War Boys, demi-vivants, qui chevaucheront pour l'éternité sur les autoroutes du Valhalla. Je suis votre reine of Dieu. C'est par ma main que vous renaîtrez sur les cendres de ce monde. Un extrait de Mad Max Fury Road. Alors, avant d'aborder ce joyau de la couronne de George Miller, il faut bien rappeler que après Mad Max 3, George Miller va faire plein d'autres choses et dans des genres totalement différents, et que ça a son importance pour expliquer comment il est revenu à Fury Road. Melvin Ned, il a fait plein de choses. Alors, il a fait plein de choses. Il a produit, pas mal de films. Au final, que ça soit des cochons, que ça soit des pingouins qui dansent, c'est toujours le, Oui, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs, il a fait Babe. Voilà, Babe, Happy Feet, etc. Enfin, il a produit le premier Babe, il a réalisé le second. Mais c'est, au fait, on est toujours dans les mêmes thèmes du parcours du héros, etc. Lorsque George Miller découvre les travaux de Joseph Campbell, ça l'a vraiment bouleversé. Et c'est ce qui fait que le film qui sort là actuellement, qui est à Cannes, là, 3000 ans à t'attendre, je l'attends particulièrement, oui. Parce que pour la première fois, tout ce qui est la narration, la mythologie, etc., c'est plus au service d'une histoire de pingouin ou une histoire de cochon. C'est pour le coup le sujet même du film, quoi. Mais sinon, il faut aussi préciser que pendant très longtemps, il a été attaché à la première version de Justice League grand écran, ouais. Et il avait déjà, c'était très avancé en termes de post-production. Mais donc sinon, Mad Max 3, ça sort en 1985, et pour le public, il s'est rien passé entre guillemets entre 85 et 2015, c'est-à-dire 30 ans, quoi. Dans la réalité, c'est un petit peu différent, parce qu'à la sortie de Mad Max 3, il devait produire une série télévisée qui devait faire la suite directe du film. L'acteur principal a eu un accident, s'est retrouvé dans le coma, donc ça a été le truc a été annulé. La première idée qu'il a de Mad Max Fury Road lui vient à la fin des années 80, vers 88, où il a d'un coup l'idée de raconter un film entièrement par l'action et par la course-poursuite, de revenir vers l'une de ses influences majeures, qui est le cinéma muet du genre Harold Lloyd, Buster Keaton, etc., quoi. Et en 1996, une nouvelle série télé va commencer à être produite, et puis le projet va capoter, et en fait ils vont se rendre compte à un moment qu'ils veulent pas, ils veulent plus faire une série télé, mais ils veulent faire un film. Et donc ils commencent à travailler très sérieusement sur Fury Road à partir de 1996, avec, en fait, ils convoquent des storyboarders, des dessinateurs de comics, des dessinateurs de Judge Dredd, etc. Et donc ils se retrouvent avec une équipe de trois personnes: Brendan McCarthy, Mark Sexton et Peter Pond, et qui vont commencer à développer le film dans les années qui suivent. On peut voir des storyboards de Mad Max Fury Road qui datent de 1998, qui sont exactement, on a l'impression qu'ils ont été dessinés à partir du film et pas l'inverse, quoi. Donc c'est un film qui porte depuis très très longtemps, quoi. Ce qui fait qu'il l'a porté depuis tellement longtemps qu'il a développé deux autres histoires. Mad Max The Wasteland, qui est, d'après ce qu'il m'avait dit lorsque je l'ai rencontré à la sortie de Fury Road, un film qui se passe un an avant Fury Road, et qui serait un tout petit film, mais très très sombre, ultra violent, qui expliquerait pourquoi Max est la bête féroce qu'on voit au début de Fury Road. Et puis un autre film beaucoup plus beaucoup plus ambitieux, qui est Furiosa, qui est le préquel sur la jeunesse de Furiosa. Et même avec si Anna Taylor-Joy qui reprend le rôle de Charlize Theron. Tout à fait. Et même si ça semble un peu difficile à croire, mais a priori, Fury Road, finalement, va être un petit film à côté de ce qu'ils sont en train de tourner et de préparer avec Furiosa. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de véhicules, un film qui sera sur une période temporelle beaucoup plus large, et quelque chose de nettement plus ambitieux. Moi, je le vois un peu comme... Donc, Chris Hemsworth aussi est dans le... Oui, Chris Hemsworth joue le rôle d'un des antagonistes, je sais pas si je peux dire oui. Ça. Oui, a priori, oui. Alors, un petit détail sur Chris Hemsworth. Son père faisait partie de la bande de bikers qui a été embauché pour faire les bikers dans Mad Max 1. Donc, on voit des photos avec les gars de Mad Max 1, et un gars au milieu, on se dit, mais c'est Chris Hemsworth qui a pris une DeLorean, c'est pas possible, parce qu'il a vraiment, mais exactement. Pour les la auditeurs même tête, qui quoi. Ne sauraient pas qui est Chris Hemsworth, c'est l'interprète de Thor chez Marvel Studios. Ce grand blond australien, voilà, très baraque, très charismatique. Voilà. Voilà, donc normalement, il devait et y avoir. Et puis il y a eu les Sorcières d'Eastwick aussi, on a pas parlé. Il y a eu beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Mais oui, il a fait les Sorcières d'Eastwick après Mad Max 3. Et puis en fait, surtout, un truc vraiment important, c'est qu'à la sortie de Mad Max 2, Byron Kennedy va recevoir un coup de téléphone de Rupert Murdoch, qui était un des gros, un méga producteur, enfin qui s'occupait de chaînes de télé à l'époque en Australie, et qui lui a dit faites-moi des séries télé, mais faites-moi des séries télé, comment dire, avec des bold, comme ils disent oui. En anglais. Ouais. Et en fait, ils ont commencé à produire entre Mad Max 2 et Mad Max 3 plusieurs séries télé où, en fait, pour les produire, ils ont une idée, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir un mec spécialisé dans le théâtre, un metteur en scène de théâtre, George Ogilvy, qui va construire un process pour réaliser ces séries. C'est-à-dire qu'ils vont réunir les scénaristes ensemble, ils vont réunir les réalisateurs ensemble, les acteurs, et ils vont faire des ateliers. Et ils vont écrire et réaliser des séries de manière ultra collaborative. Et dans ces premiers réalisateurs qui, comment dire, vont être co-réalisateurs des séries, on trouve Chris Noonan qui va réaliser Babe, il y a Philip Noyce qui va réaliser Dead Calm, etc. Et dès le début, on lit souvent que c'est parce que Byron Kennedy est mort un peu avant la pré-production de Mad Max 3 que George Miller, se sentant un peu dépassé, a demandé une co-réalisation, mais pas du tout. C'est-à-dire que Mad Max 3, c'est le produit du cinéma collaboratif, des ateliers collaboratifs qu'ils avaient mis en place sur, à partir de Mad Max 2 et sur lequel, avec la manière à laquelle George Miller va travailler jusqu'à très tard, quoi. Donc après, il va produire des films, réaliser Babe 2, il y a Happy Feet qui va lui prendre énormément de temps, et puis il y a plusieurs projets qui vont pas aboutir. Contact, qui sera réalisé par Zemeckis, et puis surtout Justice League, dont on peut voir des petites traces dans Fury Road, notamment dans le fait que le retour de Yukis Byrne, qui jouait le rôle de l'antagoniste, du méchant de Mad Max 1, et qui devait jouer le rôle du Martian Manhunter dans Justice League. Et d'ailleurs, ça, Wonder Woman apparaît aussi dans Fury Road. Dedo, Fury Road, quelle a été votre réaction en voyant ce film qui, à mon sens, est un des films d'action du 21e siècle les plus brillamment réalisés. C'est pour moi le meilleur film de la décennie 2010-2020. Tout simplement parce que effectivement ça convoque tout ce que devrait être le cinéma. Il a été fortement décrié à mauvais escient par certains en disant que ça manquait de profondeur, que l'histoire était simpliste, alors que les grands mythes dont on parlait justement font que on peut avoir des parcours linéaires qui sont pas pour autant ennuyeux ou quoi que ce soit, même si dans celui-ci le héros part et revient, ce que beaucoup de gens reprochaient en disant tout ça pour ça, mais il faut justement parcourir un certain chemin pour comprendre certaines choses. Et dans ce film-là, on comprend que justement, en fait, il vaut mieux œuvrer là où on est plutôt que de se dire qu'il y a une oasis ailleurs, essayer de faire progresser les choses par rapport à ça. Et au-delà de ça, les scènes d'action sont à tomber par terre, le côté BD est presque métal hurlant et incroyablement jouissif. Les cascades sont extraordinaires. On parlait avec des circassiens sur des perches, c'est hallucinant. Les moments des perches sont incroyables. Et puis tout ce qu'il ramène en termes de mise en scène pure, c'est pour moi justement pour ça que je considère ça comme le meilleur film de cette décennie-là. C'est parce que c'est du vrai cinéma. C'est-à-dire que tout est pensé en termes de mise en scène, c'est sensoriel et ça raconte énormément de choses sans en dire beaucoup. Et c'est ça pour moi la vraie puissance et de ce que devrait être le 7e art. Élise Lépine, Mad Max Fury Road, c'est aussi l'avènement d'un nouveau personnage dans la saga Mad Max, Imperator Furiosa, joué par Charlize Theron, et qui pose cette question qui est très très nouvelle par rapport à la saga Mad Max, qui a tué le monde? Et on a le sentiment que George Miller dit « c'est les hommes, mais pas les femmes ». Eh bien, déjà, il y avait dans le Mad Max 3 Tina Turner qui arrivait et qui n'était pas... pour le coup, qui était en rupture avec ce méchant absolu. C'est-à-dire que Tina Turner, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'est pas une méchante de chez méchant. Quoi. Non, d'ailleurs, elle dit avant l'effondrement, je n'étais personne. J'étais personne. Et je suis devenue quelqu'un ensuite. C'est carrément même... elle incarne ce qu'aurait été Max si Max avait suivi la tribu du Nord à la fin exactement, du film. Exactement, si Max se s'ancrait quelque part. Du héros au tyran, et c'est pour ça qu'à la fin du film, elle épargne Max, parce que Max, en ayant détruit Barterton, lui offre quelque chose d'inestimable, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir refaire le parcours du héros. Quoi. Voilà. Et Tina Turner, c'est Furiosa, en fait, Furiosa, c'est un préquel du personnage de Tina Turner. En fait, il y a ce côté, les femmes pourraient bien incarner, alors c'est pas la femme parfaite qui est pleine de bonté, et justement, ça c'est très bien, parce que c'est quand même une vision de la femme qu'on n'aime pas trop, mais Tina Turner, elle incarne quelque chose de dur, mais qui essaye d'être juste. Et qui ouvre la voie effectivement à toute cette réflexion sur, mais en fait, est-ce qu'on ne devrait pas laisser un peu les rênes aux femmes après les catastrophes qui sont quand même causées par la testostérone et oh là là, ma voiture est un prolongement phallique de moi-même. Dans Fury Road, c'est devenu une religion, la voiture, c'est-à-dire le volant, le moteur V8, ces jeunes guerriers au crâne rasé qui se droguent au chrome et qui en fait ne trouvent leur extase que dans la mort en étant de la chair à canon d'un triumvirat qui est composé par Immortan Joe, qui a la main sur les ressources, par le meunier, qui lui fait la distribution des munitions, et le mangeur d'hommes, qui lui tient le capital. Donc en fait, quand il y a quelque chose de vraiment presque de l'ordre du conte philosophique, qui est très très clair dans Fury Road, et qui est à côté duquel beaucoup, j'ai l'impression, quand le film est sorti, sont passés. Alexandre Matisse ? Oui, tout à fait. Et puis, du coup, vu qu'il y a cette émancipation des personnages féminins au cours du film, on va assister au basculement, ou en tout cas, c'est le chemin vers ce basculement-là. Il faut savoir que les personnages féminins au début de Fury Road, ce sont des pondeuses, clairement, hein, ce sont des esclaves d'hommes, et que c'est l'histoire d'une fuite pour essayer d'avoir un endroit où elles ne le seront plus. Il existe encore donc une communauté, en théorie, de femmes qui sont libres. Ce fameux Eldorado qui est un sujet quand même assez classique. On va chercher une terre plus verte, même quasiment de manière littérale là, où on a en fait un futur qui peut se construire, où elles seraient libres. Première partie du film, enfin plutôt deuxième partie du film du coup, hop, on y va pour voir si ça existe. On se rend compte que ces femmes-là, en fait, elles sont, ces femmes libres, elles sont vieillissantes et au sens où elles sont seules et presque disparues. Et du coup, le revirement dont on parlait juste avant, c'est, eh ben en fait, on va revenir au point de départ. Donc là, on revient à l'image du magicien d'eau, c'est-à-dire le magicien d'eau, c'est on va dans un environnement, on va ailleurs pour penser que c'est là qu'on va trouver son émancipation. En fait, c'est en rentrant chez soi qu'on découvre ça. Donc c'est un peu cette image-là qui est très très ancienne aux États-Unis et qu'on retrouve dans Fury Road. Et ces femmes vont pouvoir s'émanciper grâce à ça, et même s'il y a des personnages masculins, dont Max, qui vont les aider, c'est quand même Furiosa elle-même qui mène la barre, qui mène l'action, qui a l'idée d'y aller, qui sait comment y aller, qui connaît comment ça va se passer globalement, et qui même au retour, même si elle n'est pas à l'initiative de l'idée, c'est quand même elle qui va finalement prendre le pouvoir, et même si on ne sait pas exactement ce qui se passe après, on comprend très bien qu'il y a un basculement vraiment des hommes vers les femmes, et du coup que les femmes vont permettre une liberté, puisqu'elles libèrent l'eau qui avant était une ressource... L'aquacola. Voilà, qui était avant une ressource très très rare, et là le peuple peut avoir enfin accès à l'eau, donc il y a vraiment un message, il y a toujours eu des messages politiques dans les Mad Max, mais là il est non seulement plus explicite, et en plus, il est complètement dans l'air du temps. On est certes avant Me Too, dont on fait souvent référence, mais on est quand même c'est deux ans avant, mais on est quand même dans une décennie où on sent que petit à petit, le basculement se fait, et le fait qu'il centre son prochain film, donc la préquel sur Furiosa, sur ce personnage-là, où il va y avoir plein de choses à raconter, à mon avis, ça va aller encore plus loin, je pense, là-dedans. Et une société de femmes qui revient aussi avec des graines. Ouais, alors, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que le Immortan Joe représente un pouvoir, masculin et le complexe militaro-industriel, etc. Mais les femmes en face représentent un pouvoir féminin. À la base, dans le scénario, les Vuvalini, là, donc les vieilles dames sur les motos, c'était vraiment le miroir exact de Immortan Joe. C'est-à-dire que enceintes, si elles accouchent d'un mâle, elles bannissent les enfants mâles. C'est en gros le résultat qu'on retrouve à l'écran, c'est les gens sur les échasses un peu étranges quand ils traversent le marécage. Et de temps en temps, quand il fallait se reproduire, elles allaient chercher. L'idée, c'était ça, c'est d'aller chercher un mâle pour aller le traire. C'était une société d'Amazon, littéralement. Quoi. Et donc Immortan Joe traite des femmes pour avoir du lait, et les Vuvalini. Donc je laisse aux auditeurs se faire l'idée. Et donc ce qui rendait le film un petit peu plus, ambigu, dans le sens où c'est pas les femmes, elles ont forcément raison, parce que comme c'est des femmes, et puis les hommes, c'est des méchants, quoi. Donc ça rendait le truc un petit peu plus complexe, ce que je regrette un petit peu, parce que le film tel qu'on le voit aujourd'hui est un petit peu moins complexe, quoi. Et puis surtout, c'est cette idée de Green Place et de retour, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est que avec l'arrivée, les trois premiers Mad Max forment un tout, une saga cohérente. Mais avec l'arrivée de Fury Road, on a eu l'arrivée d'une nouvelle trilogie qui forme un tout cohérent. C'est, je dirais, la trilogie de la Green Place. Parce que dans Mad Max 2, les personnages, les colons, rêvent d'un Eldorado, d'une Green Place. Et s'ils y arrivent, tout sera bien. Ils pourront recommencer la civilisation, qui est une vision un chouïa naïf, quoi. Dans Mad Max 3, on a à nouveau cette idée. Les enfants, ont cette vision mythologique d'un Éden, comment dire, perdu, qu'on leur a raconté, etc., qui est, en gros, qui va se révéler être Sydney en ruine. Et ils vont dire, on va reconstruire notre, comment dire, la civilisation sur les ruines, quoi. Et dans Mad Max Fury Road, on se rend compte à nouveau que cette Green Place n'existe pas, c'est un fantasme. Et c'est là où Max dit à Furiosa, si tu répares pas ce qui est cassé, tu vas devenir folle, quoi. C'est-à-dire que tu vas chercher ça, tu n'y arriveras jamais, quoi. Et c'est-à-dire qu'au-delà de ces 160 km de sable, voilà, t'auras encore du sable. Voilà, et donc le but, c'est de se confronter, en fait, de retourner, comment dire, se confronter au présent, quoi. Et donc c'est une évolution où au final la saga Mad Max est a investi ce thème-là et de manière de plus en plus, comment dire, je trouve pertinente et réfléchie, quoi. Mais c'est intéressant justement qu'ils aient évacué ces nuances sur les personnages de cette société de femmes, parce que avec ce discours aussi de dire il faut qu'on revienne de là où on est parti. Moi, en revoyant le film pour préparer cette émission, ce qui m'a frappé, c'est que ça rejoint un discours écologique tenu par certains écologistes, qui est il n'y a pas d'autre planète. Il n'y a pas de seconde planète où on arrivera à continuer à vivre comme on vit maintenant. Il faut utiliser la planète que l'on a et changer ce qui a changé ici et maintenant. Et donc, en fait, 2 ans avant MeToo, je vous pose la question, j'ai peut-être tort, hein, mais est-ce que Mad Max n'est pas le premier film grand spectacle véritablement écoféministe qu'on ait eu ces dernières années? C'est peut-être même le seul, en fait. Enfin, il y a peut-être eu des prolongements un peu bancals qui existent, mais en tout cas, c'est le seul qui le dit de manière aussi forte. Et le message écologiste du film, il est très explicite. Alors, on fait jamais de blend sans casser des œufs, hein, puisqu'ils ont un peu abîmé le désert un petit peu, hein, voilà. C'est ce que disent les autorités locales, c'est quand même. C'est-à-dire que sur place, il y a eu quand même 2-3 problèmes. Bah voilà, c'est le cinéma est une industrie polluante, et voilà, elle devrait évoluer elle aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'axiome Avatar qui fait l'apologie de la nature avec des images de synthèse. Oui, non, mais voilà. Après, c'est même pas un jugement. C'est juste un règlement de compte de l'office du tourisme avec les autorités, etc. Peut-être. Le discours en soi, déjà, le simple fait justement d'aller vers quelque chose d'écologique et de chercher une terre verte en étant dans des véhicules polluants. Oui. Déjà, cette ambiguïté-là et ce paradoxe, il est intéressant. C'est vrai que t'as pas d'éolienne. Non, très peu. Mais toujours est-il que oui, il faut réinvestir le lieu qui existe où il y a de l'eau, et donc ça va être déjà la base. Et même s'il n'y a pas encore beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire pas vraiment d'animaux, pas de verdure, etc., c'est à partir de là que les choses peuvent se refonder. Et effectivement, c'est un discours qui est assez neuf dans le cinéma, dans les blockbusters. Je pense que c'est un discours qu'on aura de plus en plus et qu'on commence peut-être à avoir un petit peu chez Marvel et compagnie. Alors, si je peux juste dire un petit mot sur le féminisme, pour moi c'est une question presque philosophique, c'est est-ce que on fait du cinéma féministe en essayant de pas faire du cinéma sexiste, dans le sens où pourquoi est-ce que le personnage de Furiosa existe, c'est parce que Miller a eu l'idée à la base de 7 femmes qui devaient fuir, et il s'est dit si c'est un homme qui vole le harem d'un autre homme, c'est pas le même film que le Furieux qu'on connaît, quoi. Pourquoi c'est 7 femmes? Parce que c'est la mythologie des Pléiades, donc c'est 7 sœurs filles du titan, d'un titan, qui vont fuir le guerrier Orion, quoi. Elles devaient être 7, elles sont que 5 pour une raison tout à fait pragmatique, c'est-à-dire qu'elles rentraient pas dans la cabine du camion. Mais il y a des petits détails, le film est rempli de détails fascinants, c'est-à-dire que quand elles regardent la nuit et que tout le monde regarde la lumière qui traverse, etc., le satellite. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le satellite? Une constellation. C'est quelle constellation? Orion. C'est la constellation des Pléiades. Oui, donc des 7, des 7 sœurs, quoi. Et pareil, on en revient à l'histoire de Furiosa. Plein de gens ont dit genre, ah, c'est plus un film de Max, l'héroïne, c'est Furiosa. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où c'est ni Max ni Furiosa l'héroïne de Fury Road. Le personnage qui va avoir l'appel de l'aventure, le refuser, y aller quand même, et qui va finir par se sacrifier pour le bien commun, c'est Nux. C'est le seul personnage qui va évoluer du début à la fin, parce que ni Max ni Furiosa vont réellement changer quoi. Et c'est pour moi quelque chose que je trouve vraiment dommage, c'est à quel point on a parlé de Max, ouais, à quel point on a parlé de Furiosa, à juste titre, hein, Charlize Theron l'interprète d'une manière fascinante, le personnage est oui, vraiment magnifique. Oui, elle a participé aussi beaucoup à son look. Tout à fait, mais pour moi, le personnage vraiment central du film, quelque part entre guillemets presque le nouveau Max, c'est Nux quoi, qui est un fondamentalisé au début, comme Max il était fondamentalisé au début de Mad Max 1, et puis qui va finir par aider les autres, parce que il va changer au fur et à mesure du film quoi. Et donc ça, moi, c'est quelque chose que est-ce que c'est vrai que l'ambiance a été très tendue entre Charlize Theron et Tom Hardy sur Tom Hardy a eu une injonction de il n'avait pas le droit d'approcher à plus de tant de mètres de Charlize Theron. Les scènes où ils sont ensemble dans le camion étaient filmées séparément et mises ensemble. Après, c'est un tournage, ils sont restés 4 mois et demi dans le désert. Tom Hardy, il a eu du mal à comprendre ce qu'on lui voulait. Pourquoi ? Parce que George Miller, il filme son film, c'est d'abord ce qui est important pour lui, c'est le rythme visuel. Lui, il parle de musique visuelle. Donc, il va filmer 2 secondes ici, 3 secondes là, juste des plans, parce qu'il sait qu'une fois tout mis ensemble, ça va produire le film qu'il a déjà en tête, quoi. Mais en tant qu'acteur, c'est hyper frustrant, parce qu'à aucun moment, l'acteur peut interpréter son rôle. C'est une des raisons aussi pour lesquelles Mel Gibson a parlé vraiment vraiment mal du premier Mad Max, du deuxième Mad Max, du troisième Mad Max, en disant que c'est une saga qui l'intéresse pas du tout. Lui, il est vachement plus branché par l'arme fatale quoi. Pourquoi ? Parce que dans Mad Max, Mel Gibson, ce qu'on lui demande, c'est juste de porter la veste en cuir, et Mel Gibson, qui a une formation classique shakespearienne, etc., il a rien à faire en tant qu'acteur quoi. Donc il est hyper frustré, donc ça l'intéresse pas du tout quoi. Donc c'est ce qui mais pareil, tout à l'heure on parlait de la religion, c'est peut-être, je trouve, la chose la plus émouvante du film, c'est que ça fait une dizaine d'années que je parcours le monde pour rencontrer des fans de Mad Max. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les fans hardcore de Mad Max, c'est pas des cinéphiles. Tous les cinéphiles sont fans de Mad Max 2 parce que c'est évidemment c'est Mad Max 2. Mais les gens qui dédient leur vie, qui vouent leur vie à Mad Max, c'est ce qu'on appelle des petrolheads, des garagistes, des gens qui ont le culte du V8 quoi, et qui ont vu dans Mad Max la cristallisation de leur amour quoi. Des gens qui, dans mon documentaire, il y a quelqu'un qui dit ça. Moi, les bagnoles, je les construis, je les conduis et je les détruis quoi. Donc voir des super bagnoles et exploser dans des accidents spectaculaires, c'est carrément leur super kiff. Et de voir cette chose que j'ai constatée chez plein de gens au Japon, en Australie, le voir en fait mis à l'écran comme une véritable religion avec des idées magnifiques, l'hôtel avec tous les volants, ou rien que le symbole pour faire V8, les 8 doigts croisés en V, j'ai trouvé ça, mais quelle riche idée, quoi. Et j'ai trouvé que, même si des gens ont l'impression que Fury Road trahissait énormément la saga, si on y regarde bien, Fury Road entretient énormément de liens avec Mad Max 3 et énormément de liens avec Mad Max 2, reprend le personnage, et aussi avec le premier film par tout un tas de détails. Alors évidemment, il y aura encore des tonnes et des tonnes de choses à dire, parce que vous l'avez compris, c'est une saga extrêmement riche et qui a été pensée de manière extrêmement riche. Donc si jamais il y a des néophytes qui n'ont jamais regardé les Mad Max, eh bien lancez-vous là-dedans, ça gagne vraiment à être découvert, à être vu, revu et re-revu, parce que il y a plein de niveaux de lecture qui valent le coup. Je vous remercie tous et toutes d'avoir évoqué si bien la saga Mad Max, une saga qui va se poursuivre. On attend Furiosa pour 2024. Et moi j'ai une question pour toi qui pourra peut-être intéresser les auditeurs et les faire avancer sur un état de réflexion, mais tu m'avais dit une fois en antenne que quand t'avais vu Fury Road au départ t'avais pas été très sensible au film, et qu'en le revoyant oui. Alors qu'est-ce qui a fait que ton état d'esprit a changé là-dessus? Alors je pense que c'est des préoccupations sociétales et écologiques qui sont devenues plus prégnante depuis la sortie du film, et qui font que quand je l'ai revu, j'ai enfin compris ce que George Miller était en train de dire dans sa globalité, alors que quand il est sorti en 2015 et que je l'ai vu dans la salle, j'étais pas encore dans cet état d'esprit et je suis passé à côté du message profond du film. Je l'ai vu comme un blockbuster extrêmement bien fait techniquement. Mais le fond, je suis passé totalement à côté et je trouve que c'est une grosse leçon dans le rapport que l'on a au cinéma, c'est que avant même de dire c'est nul ou ça me plaît pas, c'était peut-être pas le bon moment pour voir un film et des fois un vieux film qu'on revoit des décennies après, eh ben on se dit ah oh, c'est pas vrai, il y avait ça dedans et je l'ai pas vu, mais parce qu'on a changé. Et quelquefois c'est pas le film qui pose un problème, c'est nous qui n'en sommes peut-être pas à ce niveau de découverte. Et pour ce sujet de Mad Max, mais comme pour tant d'autres, des fois ça vaut le coup de rien dire et juste d'attendre, de voir si on va pas changer. Et ben, je suis content d'avoir fait cette patte décisive, voilà, très bien. Merci Dedo, merci Merlin Z, Alexandre Matisse, Élise Lépine, merci d'avoir été avec nous pour évoquer Mad Max. Ce blockbuster a été réalisé par Étienne Bertin et on le remercie. Il a été préparé par Emma Ferret et on la remercie. Et aujourd'hui à la technique et on le remercie aussi, Clément Berman. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Max. My name is Max. Je m'appelle Max. That's my name. C'est mon nom. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.